Kevin, je te passe le micro. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, même les petits copains. Voilà, même les skateurs, tout ça. Skate et économie, je suis sûr, on peut trouver un lien. Tu peux me donner de l'eau ? Merci. Moi, je vais prendre 5 minutes pour juste pas m'embrouiller dans mes notes. La commission économie politique, ça va commencer dans 2 minutes. J'ai une force de ralliement qui est assez impressionnante. Je peux donner des ordres. Donc, ok. Juste en introduction, c'est rigolo parce que c'est faire un cours ici, faire une intervention ici plutôt. C'est le premier projet que j'avais en arrivant sur la place il y a 4 mois. Et c'est que 4 mois plus tard que je trouve le temps de le faire. Et encore trouver le temps, j'ai même pas eu le temps de préparer un truc vraiment carré. Donc, ça montre un peu l'implication et comment cette place vous happe. Et ne vous lâche pas. Cette invention est basée sur des vidéos, en fait, sur des projets de vidéos qu'on avait prévu de faire avec des camarades qui sont en partie là. C'était censé être des vidéos pédagogiques. Je répète le mot pédagogique parce que vous n'allez pas me croire à la fin de cette intervention. C'est censé être des vidéos pédagogiques en économie. Et juste pour l'anecdote, ces vidéos avaient prévu de s'appeler, mais c'était en débat, c'était Nadine Mort Anonymous. Voilà. Petite blague. La première vidéo, c'est celle que je vais faire là, c'était sur les réformes structurelles. On entend souvent les gars dire il faut des réformes structurelles et on voulait s'attaquer à ça. Donc il y avait deux parties. Il y avait une première partie qui était une critique marxiste de l'économie néoclassique et du terme de réforme structurelle. Et la deuxième partie était une critique néoclassique dans les propres termes de la théorie néoclassique de cette idée de réforme structurelle. Et ça fait 19 pages. Et là, je vais donc faire juste la première partie, c'est-à-dire la critique marxiste, basée sur des arguments marxistes, en tout cas, ou une analyse marxiste de cette économie néoclassique. C'est parti. Donc, l'ensemble de la classe politique s'accorde sur le fait que la solution à tous nos problèmes, ça serait via des réformes structurelles, ce qu'ils appellent des réformes structurelles. Cette formule est un peu creuse, en fait. On parle tout le temps de réformes structurelles sans savoir vraiment ce que ça signifie. Ou en tout cas, quand vous écoutez les hommes politiques, ils vous disent « oui, il faut faire des réformes structurelles », mais ils précisent jamais vraiment leur pensée. Ils donnent pas d'exemples concrets, en général. Les hommes politiques, les médias institutionnels ou même les éditorialistes politiques ou les pseudo-économistes qui sont des éditorialistes se contentent d'y associer des vertus ou font des métaphores à propos des réformes structurelles. Donc j'en ai noté quelques-unes. On a le droit souvent à... Alors la meilleure pour moi c'est « la maison s'écroule, on ne peut pas se contenter de repeindre les murs ou changer les rideaux ». Donc il faut faire des réformes structurelles. Donc voilà. Donc oui, c'est sûr, si la maison s'écroule, on peut pas se contenter de repeindre les murs. Il y a aussi juste des phrases comme ça sur BFM TV, j'ai noté genre « j'aime les réformes structurelles ». C'est tout. Ça suffit à expliquer qu'il faut faire des réformes structurelles. Un peu comme le « j'aime l'entreprise » de notre cher Premier ministre. Ou alors, tant qu'il n'y aura pas de réformes structurelles, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de compétitivité et donc il n'y aura pas d'emploi. Donc là, à partir juste de ce qu'on entend dans les médias, on pourrait se dire, bah oui, ça a l'air nécessaire, les réformes structurelles, ça a l'air un peu cool, parce que ça donne de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité. Donc personne ne devrait être contre cette idée de réforme structurelle, a priori. Donc ça a l'air chouette, c'est une question de bon sens. D'ailleurs, la majorité des politiques ou des éditorialistes ou des économistes nous disent que cette question de réforme structurelle n'est ni une question de droite ni une question de gauche, mais juste une question de pragmatisme. Alors de réalité, de pragmatisme, de bon sens, c'est souvent ce qu'on nous sort, mais sans préciser ce que sont ces réformes structurelles. Donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit quand il parle de réforme structurelle. Il balance aussi des trucs du genre, ça c'est Juppé. Juppé, ça, il faut donner de l'air aux entreprises, de la liberté aux entreprises et de l'oxygène à nos entreprises. Donc encore une fois, on voit pas de quoi il parle, mais ça a l'air cool. Il ne faut pas rester le pied sur le frein. Oui, vu qu'on veut aller en marche et on veut avancer, il faut pas rester le pied sur le frein. Ou un autre gars de BFM TV, l'avion France ne décolle pas car il est en plomb. Et il est en plomb parce qu'on n'a pas fait les bonnes réformes structurelles. Donc voilà, ça a l'air cool. Et la célèbre de Chirac, il faut mettre un frein à l'immobilisme. Donc elle est trop marrante celle-là. Enfin bon. Donc il parlait aussi de réformes structurelles. Oui. Bonjour. Je continue. Tu veux parler? Bon. Donc, mais concrètement, les réformes structurelles, il faut écouter les éditorialistes, parce que les hommes politiques balancent très peu d'informations. Ils se contentent des phrases creuses que je viens de vous donner. Oui. Musique. La musique. D'accord. Ok. Non. Ah, je vais pas faire de la musique là. Je vais parler d'économie, c'est super chiant. Je suis désolé. Je vais parler d'économie, c'est très ennuyeux. Je suis désolé. Concrètement, qu'est-ce que c'est des réformes structurelles? Il faut écouter les éditorialistes qui, eux, sont un peu plus libres en termes de communication, entre guillemets, libres en termes de communication. Et donc, ça donne ça. Concrètement, c'est la baisse du temps et de la durée de remplacement des allocations chômage. Concrètement, c'est la baisse de toutes les prestations sociales. C'est la casse du droit du travail, la baisse des réglementations du travail, la hausse du temps de travail et la suppression ou la diminution des coûts de licenciement. C'est la baisse du salaire minimum, c'est la baisse des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, que ce soit les taxes sur les dividendes, les taxes sur les plus-values, sur les profits ou les charges patronales, enfin ce qu'on appelle nous les cotisations patronales et ce qu'eux ils appellent les charges patronales. Et concrètement, ça peut être aussi l'augmentation des seuils sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un seuil social? C'est en gros, c'est une obligation légale à partir d'un certain nombre d'employés d'avoir des syndicats, des représentations syndicales dans votre boîte ou d'avoir des crèches ou je sais pas quoi. Enfin, c'est à partir d'un certain nombre d'employés, il y a des coûts du travail associés supplémentaires. Donc voilà ce que c'est de la réforme structurelle. Et quel est l'argument derrière? L'argument officiel, bah, il l'attaque toujours par l'argument de la dette, qui est souvent un prétexte à tout et n'importe quoi. Mais officiellement, il s'attaque via l'argument de la dette et du déficit public. En gros, on a trop de dettes, mais cette dette n'est pas mal en elle-même. Le problème, c'est que les dépenses publiques sont financées par l'alourdissement des charges qui pèsent sur les entreprises, et donc l'alourdissement du coût du travail. Ainsi, ce sont l'ensemble des dépenses d'État qui sont remises en question, et pas seulement la casse de tout ce que j'ai dit avant, c'est l'ensemble des dépenses d'État, parce que en s'attaquant par la dette, bah, toutes les dépenses d'État sont attaquées, en fait. Donc c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le nombre et la rémunération des fonctionnaires, et c'est le périmètre d'intervention de l'État. Vous savez que les gens de droite veulent un périmètre de l'intervention de l'État qui se contente à ses fonctions régaliennes, qui sont la protection des biens et des services, des personnes, la justice et la diplomatie. Donc eux, ils veulent que ça en État. Et donc ils veulent pas santé, éducation, tout ça. Et l'argument, c'est parce que ça coûte cher, faut taxer les entreprises pour le financer. Si on taxe les entreprises pour le financer, on diminue leur profit, leur compétitivité, et on augmente le coût du travail. Donc si... Musique. Si la grande majorité des économistes... la grande majorité des économistes s'accordent à poser le problème en termes de coût du travail, donc en gros c'est ça, le coût du travail est trop élevé, donc les entreprises n'embauchent pas, donc il n'y a pas de croissance, enfin c'est l'argument classique. S'ils s'accordent à dire que le problème central c'est le coût du travail, c'est qu'ils doivent avoir un modèle derrière la tête, une espèce de théorie, un cadre de pensée, et le but en fait c'est de se... Et le but, en fait, c'est de se familiariser avec ce cadre de pensée pour qu'ils comprennent, pour qu'on comprenne comment ils réfléchissent et pour pouvoir leur répondre sur leur propre terrain. Parce que tout argument qui vient de l'extérieur de la théorie néoclassique est balayé d'un coup de main en vous disant que vous êtes un marxiste non pragmatique, entre guillemets. Donc l'objectif là, c'est, je vais essayer de vous présenter le cadre de pensée qu'ils adoptent, c'est-à-dire un modèle de concurrence et parfaite néoclassique. Ça va être très chiant, mais j'ai essayé de résumer ça le plus facilement possible. C'est là où j'aurais besoin du tableau, en fait. À deux. Ça va être le bordel. On va essayer de... C'est la page qui est partie. Bon, j'ai pas vraiment besoin des notes. En gros, le modèle de clôture inspire parfaite, il parle de l'hypothèse que l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser ses profits, ce qui est logique. L'objectif d'une entreprise, c'est de maximiser ses profits. Donc, il parle d'une fonction qui est assez simple, il l'appelle PI, c'est-à-dire les profits, qui sont égales au prix de vente d'un bien, multiplié par un truc qu'on va appeler F2L, vous allez me détester, qui est la quantité de biens produits en fonction du facteur travail. Genre, plus j'utilise de travail, plus je produis de biens, et F2L, c'est la quantité totale de pommes de terre produites avec un nombre de travailleurs L. Donc c'est le prix fois la quantité produite, ce qu'on appelle en termes généraux le chiffre d'affaires. Le prix multiplié par la quantité produite, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, pour trouver les profits, il faut enlever à ce chiffre d'affaires le coût du travail, enfin le coût de la production, parce que vous avez un chiffre d'affaires, mais pour produire cette quantité, bah, vous avez dû employer des travailleurs. Donc W, qui est le salaire, multiplié par la quantité de travail que vous avez choisi. Donc vous allez maximiser cette fonction. Bah, alors là, à la base, j'étais censé vous expliquer comment on maximise une fonction en mathématiques, et je pense que c'est pas vraiment le bon délire. Donc en gros, on maximise cette fonction et on arrive à une condition qui s'appelle une condition de premier ordre qui vous donne votre règle de décision pour maximiser vos profits. Et cette condition, c'est celle-là. Ça veut dire que normalement, f' de L, qui est la dérivée par rapport à L de la fonction de production, est égale à W sur P. W, c'est le salaire nominal, combien je paye mes travailleurs, et P, c'est combien je vends ma marchandise. Donc W sur P, on appelle ça le salaire réel. C'est le coût réel du travail pour l'entreprise, cette chose-là. Donc le coût réel du travail pour l'entreprise doit être égal à ce que ça lui rapporte en termes de valeur produite. F' de L, c'est en gros la productivité marginale du travail, c'est-à-dire combien rapporte un travailleur de plus en termes de pommes de terre produites. Genre, le premier travailleur, il rapporte 12 pommes de terre, le deuxième travailleur, il rapporte 9 pommes de terre. En fait, F' de L, c'est combien rapporte le dernier travailleur que j'ai embauché. Et donc ça, c'est chiant, c'est de l'économie, et c'est des maths, et c'est super chiant, mais ça se résume très facilement dans un tableau, en fait. Alors là, j'ai mes quantités de travail. Genre premier travailleur, deuxième travailleur, troisième travailleur, quatrième travailleur. Il suppose que cette productivité marginale des travailleurs, c'est-à-dire combien rapporte en termes de pommes de terre le dernier travailleur embauché, est décroissante. Donc c'est une hypothèse qu'ils font, et de toute façon, s'ils font pas cette hypothèse, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, ça sert à rien de faire des mathématiques, et les économistes passent pour des gens de sciences humaines et pas des gars de sciences dures, et ils aiment pas ça du tout. Donc ça, c'est la productivité marginale du travail, F' de L, ce truc-là à gauche. Et cette barre-là, c'est un truc fixe, c'est W sur P, c'est le salaire réel. Donc en fait, ils vont embaucher des travailleurs, ils vont dire, bah, mon premier travailleur me rapporte 14 pommes de terre, le salaire, pour avoir ces 14 pommes de terre, je le paye, on va dire W sur P égale 6, d'accord, bah, je le paye 6 pommes de terre, donc je me fais un profit de 8 pommes de terre, je l'embauche. Vu que j'ai un surplus, je l'embauche. Ok, deuxième travailleur, il va me rapporter ben, un peu moins de pommes de terre. Mais j'ai toujours un profit positif à l'embaucher, donc je l'embauche. Et ils font ce raisonnement jusqu'à ce que la condition de maximisation des profits soit respectée. C'est-à-dire que le dernier travailleur embauché, on dit ici c'est un peu pourri, ça fait 2,5, un truc comme ça, travailleur. Il coupe les travailleurs en deux. Jusqu'à ce que le dernier travailleur embauché me rapporte exactement ce qu'il me coûte. Parce que une fois que j'atteins ce point-là, un travailleur en plus va me rapporter par exemple 4 pommes de terre, mais il m'en coûtera 6. Donc j'ai aucun intérêt à l'embaucher, étant donné que je fais pas profit sur sa tête. Donc voilà un modèle de concurrence pure et parfaite. Donc quelle est la conclusion qu'on peut tirer de leur délire néoclassique? La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que même dans un modèle de droite, de concurrence pure et parfaite néoclassique, donc un modèle de droite, l'exploitation est une condition nécessaire de l'embauche des travailleurs. Et le profit est une catégorie dont ils essaient de se débarrasser dans cette économie néoclassique depuis 200 ans, mais qui revient toujours en retour du refoulé. Donc le profit est une nécessité. Le profit, c'est le réel de la production capitaliste. Si ça n'existe pas, il n'y a pas d'embauche. Donc même dans une théorie de droite. Et donc voilà leur raisonnement. Le raisonnement, c'est si le coût du travail est trop élevé, imaginons que le W sur P passe à 15 pommes de terre, mais que la productivité marginale d'un travailleur, du premier travailleur embauché, soit 14 pommes de terre. Est-ce que j'embauche ou pas? Bah, j'embauche pas, parce que sinon je vais perdre de l'argent en embauchant. Donc le raisonnement sur les réformes structurelles sont nécessaires, il faut baisser le coût du travail, il sort de ce modèle-là. Si je baisse le coût du travail, je pars d'ici de W sur P, le salaire réel égal à 6 pommes de terre, je baisse le coût du travail, je vais arriver à ce point d'équilibre qui fait que j'embauche 3 travailleurs. Donc je augmente le nombre de travailleurs embauchés en augmentant le degré d'exploitation. Mais bizarrement, ils le présentent jamais comme ça. Ils vous disent pas, bon les gars, pour augmenter l'emploi, il va falloir se faire exploiter un peu plus. Ils vous disent, il faut des réformes structurelles, il faut libérer les entreprises, il faut donner de l'oxygène à l'entreprise et il faut arrêter de mettre des pieds sur les freins. Donc voilà un peu ce qu'ils ont derrière la tête quand ils vous parlent de réformes structurelles. J'ai perdu la page d'après, je vais essayer de la retrouver. On peut reprendre là. Donc ouais, à travers cet exemple simple, il est simple de comprendre en fait que le marché du travail est un marché biaisé par essence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas exploitation, il n'y a pas de demande de travail de la part des entreprises. Les entreprises ne demandent du travail, n'embauchent des travailleurs que s'il y a une exploitation garantie, que si cette zone-là est positive. Si on est à W sur P ici et que la productivité c'est ça, il n'y a pas de profit, donc il n'y a pas de demande de travail. Les entreprises ne demandent pas de travail dans ces conditions-là. Donc ça veut dire que la demande de travail, une des composantes du marché qui est la demande de travail des entreprises sur le marché du travail, est conditionnée à l'exploitation. C'est-à-dire qu'elle est garantie. Dans les structures économiques, cette exploitation est garantie. Il n'y a pas de marché du travail s'il n'y a pas d'exploitation. Il est donc nécessaire à chaque fois qu'une entreprise embauche un travailleur que le produit du travail qui rapporte, les 14 pommes de terre, soit supérieur au coût du travail. Okay ? Donc l'exploitation est garantie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est éludé et par la théorie néoclassique qui fait comme si ça n'existait pas et on en parlera plus tard. Ils vous disent oui, il y a profit à court terme, mais à long terme, il y a concurrence entre les entreprises et le profit disparaît et il n'y a pas de profit. Donc en fait, c'est un peu bizarre comme raisonnement parce que tout leur raisonnement est basé sur l'existence d'un profit pour arriver à un équilibre et ils disent à long terme, il n'y a pas de profit, ça pose aucun problème. Mais on reviendra peut-être là-dessus plus tard. Donc c'est pour ça que là, je vais vous lire un passage d'une fiche de lecture sur le livre de Lordon. C'est pas écrit par Lordon, c'est un gars qui a lu Lordon et qui écrit une fiche de lecture qui est vachement bien, qui parle de cette chose-là, du fait que en fait, la violence est intrinsèque au mode de production capitaliste. Elle est intrinsèque à l'existence d'un marché du travail, vu que s'il n'y a pas exploitation, il n'y a pas embauche des travailleurs, il n'y a pas de demande de travail et aucun échange. Donc, je vais essayer de vous lire le truc. Selon Marx, dans tous les modes de production, les structures de domination étaient constituées en dehors du travail, ou bien elles encadraient le travail du dehors. Dans le mode de production capitaliste, au contraire, le rapport social de domination est intérieur et immanent au travail. C'est ici la forme socialement prise par le travail qui engendre d'elle-même et à l'intérieur d'elle-même le rapport social de domination. Cela a notamment pour conséquence que dans les formations sociales non capitalistes, les rapports de domination sont manifestes, ils sont évidents, ils sont explicites, tandis qu'ils sont inapparents sous le capitalisme. Ou plutôt, les rapports de domination apparaissent dans le capitalisme pour le contraire de ce qu'ils sont réellement. Ils apparaissent comme étant des rapports de non-domination. Ils prennent la forme de rapports non imposés, librement consentis et librement choisis. Et ça, c'est rigolo, parce que vous êtes libre de ne pas travailler. Vous êtes libre de mourir de faim. Mais à chaque fois que vous allez sur le marché du travail, il y a une violence, une domination qui s'exerce dans le sens où vous ne pouvez pas vendre votre force de travail sur un marché sans être exploité. Et c'est ça qui veut dire par avant, avec la féodalité, la violence était extérieure. Maintenant, vous êtes libre de pas travailler, vous êtes libre de travailler. Mais si vous travaillez, vous n'avez pas l'impression d'être exploité vu que c'est pas évident. Enfin, c'est l'oxygène aux entreprises, tu vois. C'est pas, il faut vous exploiter. C'est ainsi que le rapport entre le travail et le capital apparaît comme un rapport d'échange entre deux partenaires également libres et autonomes qui se mettent d'accord sur le prix auquel l'un accepte librement de vendre à l'autre dont il est propriétaire, à savoir sa capacité, sa force de travail. Ouais, vous êtes libre d'aller ou non vendre votre force de travail sur un marché du travail. Et vous êtes libre d'accepter un salaire ou non. Mais la condition intrinsèque, la condition invisible, c'est que quel que soit votre salaire, quelles que soient vos conditions de travail, que vous soyez cadre ou précaire, vous serez exploité. Sinon, l'entreprise n'a aucun intérêt à vous embaucher. Et là, bon, on peut le lire d'une autre manière. Là, c'est Gigette, Vivre la fin des temps, page 288 de l'édition française, qui va expliciter encore ce raisonnement sur la liberté et sur la contrainte et la domination. Ce n'est que dans le capitalisme que l'exploitation est naturalisée, c'est-à-dire inscrite dans le fonctionnement de l'économie au lieu d'être le résultat de pression et de violences extra-économiques. C'est pourquoi nous avons avec le capitalisme la liberté personnelle et l'égalité. Il n'est plus besoin de domination sociale directe, la domination se trouve déjà dans les structures du processus de production. Donc en gros, vous n'avez plus besoin d'être des esclaves avec le capitalisme. Vous pouvez avoir la liberté formelle. Et ensuite, bah, la domination est intrinsèque à tout marché du travail. Et vous avez l'impression d'être libre, mais vous allez vous vendre sur un marché du travail, et il y a domination. Cette domination est intériorisée par les structures et n'est pas évidente. Enfin, elle n'est pas aussi évidente que dans un rapport féodal ou dans un rapport d'esclavagiste. Sinon, je voulais citer Baudelier. Non, non, non. Ok, non. Je vais continuer la citation. C'est donc aussi la raison pour laquelle la notion de plus-value est cruciale ici. Marx a toujours insisté sur le fait que l'échange entre les travailleurs et le capitaliste est juste au sens où les ouvriers sont payés à la valeur totale de leur force de travail en étant en tant que marchandise. Donc là, c'est important parce que Marx, il dit pas en gros, vous n'êtes pas payé la totalité de la valeur de la marchandise que vous donnez, c'est-à-dire votre force de travail. Vous êtes payé la totalité de ce que représente le prix de votre marchandise. Vous avez une marchandise qui est le travail, qui a un prix, qui est W sur P. C'est juste que le travail est la seule marchandise qui crée plus de valeur qu'elle n'en vaut. En fait, vu que la demande de travail des entreprises n'existe que s'il y a exploitation, ben, votre travail il produit 14 pommes de terre. Il a une valeur de 14 pommes de terre, mais sur le marché capitaliste, il ne peut valoir que moins que 14 pommes de terre, sinon il n'y a pas emploi et il n'y a pas échange. Donc c'est pas qu'on n'est pas payé la totale valeur de la marchandise qu'on vend, c'est que la marchandise de travail, le travail, la force de travail qui est une marchandise spécifique au mode de production capitaliste, produit plus de valeur qu'elle en vaut dans le mode de production capitaliste. Donc voilà, voilà. C'est censé être bientôt fini. Je voulais citer Godelier aussi, justement. Alors, Maurice Godelier, c'est un gars qui a écrit Horizon, trajet marxiste en anthropologie, et page 190 de l'édition je sais pas quoi de ce livre, vous avez cette citation. Le salaire donne donc au travail non payé de l'ouvrier, c'est-à-dire cette partie qui vous est pas payée, ça donne au travail non payé de l'ouvrier, la plus-value, au profit, tout ce que vous voulez, l'apparence du travail payé. On vous dit que votre travail vaut tant. Vous avez un salaire de tant, votre travail vaut tant. Mais non, votre travail vaut pas tant. Votre travail vaut tant dans un mode de production capitaliste, mais votre travail rapporte 14 pommes de terre et pas 6 comme votre salaire. Donc en vous disant que le coût du travail, le salaire c'est le coût du travail, et en faisant pas la distinction en disant que c'est le coût de la force de travail, ce qui est une distinction importante en théorie marxiste, ben, vous avez l'impression de votre salaire, ben, vous produisez 6 pommes de terre et vous avez droit à 6 pommes de terre. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas spoliation. Vous avez l'impression, vous avez l'apparence d'une équivalence de l'échange. Et en fait, cette équivalence n'existe pas étant donné que dans des structures capitalistes, cette équivalence ne peut pas exister. Sinon, il n'y a pas profit, sinon il n'y a pas croissance, sinon on n'a pas libéré les entreprises et on ne leur a pas donné assez d'oxygène. Et donc, dès que le salaire apparaît comme le prix du travail, et dès qu'on fait cette mystification, dès qu'on dit que le salaire c'est le prix du travail et on a ce qu'on mérite, le profit ne peut plus apparaître au final, le profit ne peut plus apparaître que comme du travail non payé, il ne peut plus apparaître comme du travail non payé, il apparaît nécessairement comme le produit du capital. Il apparaît comme vous avez amené du travail, vous avez le droit à 6 pommes de terre, le capital il a amené une valeur, il a le droit au profit. C'est une rémunération juste. Dès qu'on dit que le salaire, c'est le prix du travail. Le profit apparaît comme le prix du capital. Ce qui revient au capital. Le truc, c'est que le capital ne produit pas de valeur. Et un exemple très simple. La valeur, c'est un rapport social. Donc, il faut qu'il y ait une valeur d'utilité, une valeur d'échange. Il faut qu'il y ait un échange. Enfin, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de résumer les choses simples. On va regarder ce verre et on va regarder s'il produit de la valeur. C'est du capital. Est-ce que ce verre produit de la valeur? Ce verre ne produit pas de valeur. À partir du moment où je l'utilise en tant qu'individu, il produit de la valeur utile, la valeur d'utilité. À partir du moment où je l'utilise dans un mode de production capitaliste, dans une entreprise marchande, je vais l'utiliser pour servir un client. Il y a un travailleur qui va remplir le verre, le donner au client. Le travailleur met en mouvement le capital. Donc le travailleur produit de la valeur, mais le capital lui-même ne produit pas de valeur tout seul. C'est que quand il est mis en mouvement par du travail que le capital produit, enfin que le capital est utile ou a une valeur. Et en tout cas, lui-même, le capital ne produit pas de valeur. Et donc, ce discours néoclassique qui est totalement fétichisé et mystifié, il associe une valeur au capital. Il associe une productivité au capital. En économie néoclassique, on parle de productivité marginale du capital, comme on parle de productivité marginale du travail, comme si les machines d'elles-mêmes produisaient de la valeur. Et c'est totalement ne pas comprendre ce qu'est le mode de production capitaliste. Et l'économie néoclassique est un niveau, ça paraît pour être le stade ultime de l'économie, on n'a jamais été aussi intelligent en économie, mais à un niveau de mystification qui est assez hallucinant. Donc il parle de productivité du capital. Je retrouve ma page 6. Ok. Donc là, on voit très bien, parce que on voit très bien que ce discours sur la productivité du capital est totalement erroné, parce que là, j'ai un modèle avec un facteur de production qui est le travail. J'ai pas de capital dedans. Et pourtant, j'ai les distances du profit. Comment est-ce qu'ils peuvent... Ça, c'est un modèle qu'on vous balance en licence 1 d'économie, quand même. Donc, il vous parle de productivité du capital après, et en vous disant que le profit, c'est la valeur qui va au capital, parce qu'il a bien fait des trucs intéressants, le capital, quand même. Mais dans ce modèle-là, il y a du profit. Et il n'y a pas de capital, on n'utilise pas de capital. Donc comment légitimer après que le profit soit la part associée au capital? C'est assez contradictoire. Et des contradictions, j'en ai eu pendant toute... Enfin, il y en a dans la théorie néoclassique, et j'en ai vu du début de ma licence à la fin de ma thèse. Même les plus grands économistes néoclassiques font des erreurs pareilles. Donc là, on voit bien que c'est pas le produit du capital. Et pendant 200 ans, les gars, je vous incite à lire Bernard Guérien sur la théorie du profit. Enfin, sur un truc qui un papier qui est en ad libre sur sa page web, et qui vous parle des 200 ans que les néoclassiques ont passé à essayer de se débarrasser du profit. Parce que ça les gêne, parce que le profit, c'est lié à l'exploitation, à la spoliation, ça renvoie à Marx, qui explique que c'est pas qu'un problème moral, mais un problème d'efficacité économique. Donc ils ont essayé de s'en débarrasser pendant 200 ans, et toutes les manières dont ils ont essayé de s'en débarrasser, ben en fait, le profit revient à chaque fois en retour du refoulé. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est très rigolo à voir qu'ils ont totalement abandonné. Genre, ils balancent des excuses. Il y a des gars qui leur ont répondu en disant « Ouais, mais c'est pas valable ça parce que ça ». Ils abandonnent le débat, ils font comme si ça n'a jamais existé et ils repartent dans leur délire. On pourra en parler plus longuement peut-être après. Donc au final, sur les réformes structurelles, ça a l'air cool comme ça, genre il faut donner de l'oxygène aux entreprises, blablabla, ils veulent pas trop expliciter ce que c'est qu'une réforme structurelle en direct à la télé parce qu'ils passeraient pour un peu des méchants, mais c'est pas étonnant que ces réformes structurelles subissent autant de contrariétés, enfin mènent à autant de contrariétés. C'est pas étonnant que la loi travail ait subi autant de contestation, parce que au final, il s'agit bien de placer un curseur entre des intérêts fondamentalement contradictoires, placer un curseur entre profit d'un côté et salaire de l'autre côté, ou placer un curseur entre salaire et chômage, parce que si vous augmentez le salaire dans un mode de production capitaliste, il se peut que ça réduise l'emploi. C'est pas faux ce qu'ils disent les néoclassiques, c'est juste qu'ils ont une vision biaisée des choses et une vision partielle des choses. Et si j'ai le temps, on en parlera. Donc c'est pas étonnant qu'on ait autant de difficultés à expliciter à la télé ce que c'est qu'une réforme structurelle, et c'est pas étonnant que nous on s'oppose à ces réformes structurelles. Et après, les gars, ils nous balancent des arguments genre mais au final vous choisissez, on a fait un choix social pour le chômage, vu qu'on veut pas baisser nos salaires en France, on a fait un choix pour le chômage. Bah, vu qu'on veut pas passer de ce salaire là à ce salaire là, oui forcément on a moins d'emplois. Mais ouais, mais le truc c'est pas ça, c'est qu'on conteste le mode de production lui-même. On conteste ce mode de production qu'il ne nous donne le choix qu'entre chômage et précarité, en fait. Que entre ce truc-là où il y a du chômage et on a des salaires élevés, ou ce truc-là où il n'y a pas de chômage mais tout le monde est précaire. Et j'aime beaucoup ce slogan de manif, genre il y en a assez de cette société qui ne laisse le choix qu'entre chômage et précarité, parce que c'est un modèle d'économie néoclassique. Et donc ça aide leurs propres arguments qu'on leur rebalance, ben en fait c'est votre mode de production au total dont on ne veut plus. Je peux peut-être m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci Kevin. Merci à tout le monde. Donc maintenant, en fait, il y a la partie débat. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas à faire un petit geste du genre comme ça pour que je vienne jusqu'à vous sur des questions sur ce que vient dire Kevin. Donc voilà, j'attends. N'ayez pas peur. Ah, merci. La première question est toujours la plus dure. Merci. Alors une question un peu bête, mais juste pour savoir, est-ce que tu sais, donc là parce que j'ai un peu compris ta courbe, alors je connais rien en économie, et du coup est-ce que tu sais s'il y a quand même des emplois qui existent, qui sont en dessous du coup, enfin, est-ce que, non, c'est du coup vraiment impossible, enfin, le système là ne permet absolument pas, ou est-ce que ça arrive que quelqu'un reste employé et qui son coût du coup soit encore plus cher que, enfin tu vois, c'est ce que je veux dire, ou... coûte encore plus que ce qui est produit du coup. Voilà, c'est juste. Alors c'est possible, ça s'appelle les services publics. Il est possible d'avoir des employés qui ne rapportent pas en termes de valeur capitaliste exactement ce qu'ils coûtent, mais ça s'appelle un service public. Autrement, cette vision, enfin, ça nous permet de parler d'autre chose aussi, parce que cette vision de la théorie néoclassique, ça suppose qu'ils sont capables d'identifier la productivité associée à chaque travailleur. Ce qui est assez difficile à faire en fait, parce que par exemple dans un restaurant, il y a les patrons, ils disent que les serveurs ils sont productifs parce que bah ils servent les clients et c'est très utile d'avoir quelqu'un qui sert les clients quand t'as pas envie de le faire. Mais les gars qui font le ménage derrière, ils sont pas très productifs. Tu vois, genre ils dissocient la productivité de chacun des employés, alors que il y aurait pas de clients si c'était dégueulasse et le serveur ne pourrait pas avoir une. Tu vois, genre ils associent une productivité individuelle à chaque travailleur et c'est aussi une méthode qui est vraiment contestable dans la théorie néoclassique. Mais ça nous permet de parler de ça et voilà. Donc il est possible, je sais pas, il est possible que bah tu supposes qu'un travailleur, le gars qui fait le ménage, n'a pas une productivité assez forte en termes de poussière accumulée. Pour avoir l'équivalence de son salaire, mais vu que les facteurs de production sont complémentaires, les travailleurs sont complémentaires et pas vraiment substituables comme ils le supposent eux, oui c'est possible, mais ça nécessiterait un débat de 3 heures sur la complémentarité des facteurs de production, et là j'ai essayé de résumer au maximum, oui c'est possible. Et sinon dans les services publics, t'as plein de gens qui ne rapportent pas d'argent, c'est un peu le rôle des services publics de ne pas, ça va ? De ne pas rapporter d'argent. Pour moi, je souhaiterais te poser une question. Tu parles au niveau de tout ce qui est au niveau du travail, mais la catégorie au niveau des 2,5, entre guillemets, c'est le nombre de travailleurs qui peut avoir à ce temps-ci. En fait, ce truc-là, c'est juste pour maximiser tes profits. Tu vas embaucher des travailleurs jusqu'à ce que le travailleur, le dernier embauché, le 2,5, égalise ton coût, ton salaire. En fait, c'est lui, il produit 14 pommes de terre, mais je le paye que 6, je l'embauche parce que je me fais du profit. Lui, il en produit 9 et je le paye 6, blablabla, je l'embauche parce qu'il me fait du profit. J'arrive à 2,5, bah, le gars, il me rapporte 2,5, il me rapporte 6 pommes de terre, il m'en coûte 6, c'est le dernier que j'embauche, après j'embauche plus. Donc là, c'est un modèle théorique, hein, c'était un exemple, c'est pas dans la vraie société, enfin, maintenant, actuellement. C'est juste les 2,5, c'est à ce niveau de productivité et à ce niveau de salaire, j'ai une embauche totale de 2,5. C'était juste ça. Ouais, mais après, arriver à 2,5, si tu n'embauches plus, comment tu pourrais a priori que tout simplement le travail est recherché? Alors, c'est une question relative au chômage? Ok, donc oui, non, mais le truc, c'est que le chômage, c'est un truc... Enfin, ils essaient de vous faire croire, tous les hommes politiques vous disent « J'ai toutes les solutions, les gars, votez pour moi, je vais supprimer le chômage. » Ok, le truc, c'est si vous supprimez le chômage, les salaires augmentent parce que vous êtes plus demandés sur le marché, et puis les gars, ils vont se faire un peu compétition vu qu'ils manquent des travailleurs, ils vont augmenter les salaires. Donc, vous allez vous retrouver là, où il n'y a plus de demande de travail parce qu'il n'y a plus de profit. Et s'il n'y a plus de profit, il y a beaucoup de chômage, donc le salaire va baisser par effet de compétition. Le chômage, c'est un truc qui est nécessaire. Sans chômage, il n'y a pas de profit. Sans profit, il n'y a pas de production capitaliste. Donc le chômage est inhérent au mode de production capitaliste. Genre, s'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de compétition entre les travailleurs pour augmenter les, pour faire baisser les salaires, augmenter les profits, genre, vous ne pourrez pas vous débarrasser du chômage dans un mode de production capitaliste, rien que pour cet argument-là. Parce que sinon, il n'y aurait pas de profit. Et pas de profit, pas de production. Le deuxième argument, c'est que dans le mode de production capitaliste, c'est un système dynamique. C'est-à-dire qui est basé sur la destruction créatrice. C'est, à la base, on utilisait des stylos, maintenant on utilise des ordinateurs, donc il faut bien arrêter de produire des stylos pour produire des ordinateurs. Faut détruire des entreprises qui produisaient des stylos pour monter des entreprises qui produisent des ordinateurs. Donc, il y a une... Forcément, il y a des gens qui tombent au chômage pour retrouver un emploi plus tard, blablabla. Donc, c'est le deuxième argument pour lequel le chômage est nécessaire dans un mode de production capitaliste. Mais le premier argument, c'est sans chômage, pas de profit, pas de profit, pas de capitalisme. Donc, le chômage est nécessaire. Les gars de Balance, comment on fait pour les gars qui sont au chômage? Mais ils s'en battent les couilles, quoi. Enfin, ce qui compte pour eux, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance dépend du profit. Ce qui compte pour eux, c'est le profit. Et donc, il faut faire des réformes structurelles. Enfin... Alors là, c'est une question de la part de mon ami à côté. Du coup, je traduis pour lui. Pour savoir quel est le montant de l'argent déversé par le gouvernement pour tout ce système, c'est-à-dire pour le gérer entre guillemets la population française, c'est-à-dire les commerces, les services publics, machin, etc. Je suis pas sûr de vraiment comprendre la question, parce que si la question c'est quel est le montant de l'argent alloué au commerce, aux services publics et à l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire le PIB en entier. Le PIB en entier est réparti entre le secteur marchand, les services publics et des choses comme ça. Donc c'est tout l'argent. Donc si c'est la question, la réponse est tout l'argent qui est associé à tout, en fait. Mais la question, à mon avis, le PIB c'est 2000 milliards? À peu près 2000 milliards. Aujourd'hui. Un peu plus? Sûrement. Le budget, 56% du PIB normalement, le budget de l'État. Enfin, je sais pas. Je voulais juste peut-être, parce que en fait, ça a l'air très simple comme ça. En fait, c'est les néoclassiques ont raison, mais le choix qu'on a, il est pourri. C'est entre chômage et précarité, mais ils ont raison quand même. Pour baisser le chômage, faut baisser les salaires. Je vais peut-être ajouter un petit truc, c'est que ça, c'est une vision néoclassique de l'économie. Parce que, en fait, le truc, c'est pour, une fois que vous avez produit, vous avez bien exploité vos travailleurs, pour réaliser, on appelle ça réaliser ce profit, il faut vendre vos produits après. Et vendre vos produits, ça peut pas se faire si vous avez mis les salaires à zéro à tout le monde. Parce que, dans l'argument néoclassique, si on les suit, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas aucun salaire? Il y aurait pas de chômage. Avec un salaire à zéro, tout le monde est embauché, tout le monde est productif, il y aurait pas de chômage. Le truc, c'est qu'il faut vendre les produits. Et vendre les produits, je peux récupérer le feutre, s'il te plaît? D'accord. Tu me dis quand t'as fini. Mais le truc, il faut vendre les produits. Et c'est là où il y a les gars de gauche en économie qui arrivent, c'est les Keynésiens. Les Keynésiens, leur argument principal, c'est si vous baissez trop les salaires, vous pouvez pas vendre vos produits et donc ça va faire une crise aussi. Et c'est un argument. Ils ont raison en même temps, en fait. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont raison en même temps. D'accord, c'est très joli. Ils ont raison en même temps, mais pas au même moment. Enfin, ils ont tous les deux raison, mais pas au même moment. Parce que dans le mode de production capitaliste, je veux juste récupérer le stylo, s'il te plaît. Merci. En fait, vous avez tout dans la théorie marxiste, et après les gars sont, qui étaient schizophrènes, Marx, et après les gars sont devenus normaux. Parce que vous partez d'argent, vous allez produire une marchandise, et vous espérez de l'argent à la fin, quand vous avez vendu votre marchandise, plus un profit, delta A. C'est le fameux truc AMA de Marx. Donc l'argent à la base, vous l'avez par le système financier, le crédit, tout ça, le capital fictif. Ensuite, vous investissez dans la production. Donc vous avez la phase de production où vous produisez votre marchandise. Et là, ce qui compte, c'est le taux de profit. Là, dans le cas 2, c'est les néoclassiques qui ont raison. Parce que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de production. Le truc, c'est que pour réaliser votre profit, il faut aller à la phase 3, qui est la réalisation. C'est-à-dire la consommation, en gros. Et là, c'est dans le cas 3, c'est les Keynésiens qui ont raison. Donc Marx, il disait, vous pouvez avoir des crises à ce niveau-là, si vous avez des problèmes d'investissement. Par exemple, le coût du capital est trop élevé, et c'est là que Besancenot fait un livre. Besancenot, en même temps, a raison aussi. C'est que si le coût du capital est trop élevé, bah, vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de pollution, vous n'avez pas de réalisation, vous n'avez pas de profit. Si les néoclassiques disent « ouais non, tout le problème il est au niveau de la production, vous avez pas, les salaires sont trop élevés, vous n'avez pas assez de profit à l'intérieur de la production », je résume vachement, vous n'avez pas assez de profit à l'intérieur de la production, il y a crise, il n'y a pas assez de profit et donc il y a crise. Bah, là ils ont raison, vous avez une potentialité de crise au niveau de la production, c'est ce qu'on appelle une crise d'offre. Et vous avez les keynésiens qui ont raison, des fois. Genre, quand il n'y a pas assez de demande, vous ne pouvez pas réaliser votre profit, et donc il n'y a pas de profit, et donc il y a crise. Donc dans les trois cas, le problème, c'est le profit. Les trois cas, juste, c'est des visions différentes de voir le monde, genre à différents moments. Sauf que les néoclassiques pensent avoir raison tout seuls, les keynésiens pensent avoir raison tout seuls et disent « Ouais, mais votre truc de profit, le profit, c'est pas important dans le mode de production capitaliste », sans se rendre compte que leur argument de demande, bah, c'est pour la réalisation du profit, donc le profit est important, on peut pas faire comme si c'était pas important dans ce mode de production là. Et les gars qui pensent que c'est la financiarisation de l'économie qui a tout pourri, bah, ils ont raison aussi. Et juste que Marx avait déjà tout dit en fait, et qu'après ils ont créé différents courants économiques pour rendre compte de ce qu'il avait déjà tout dit. Je voulais revenir aussi parce qu'il y a des marxistes qui n'ont pas raison non plus. Il y a beaucoup de marxistes aujourd'hui, et certains grands penseurs en tout cas, qui considèrent que le concept d'exploitation est à remettre en question aujourd'hui parce que avec l'économie du savoir, le travail acquiert une place marginale au sein de la production. Bah, je suis un peu étonné de cet argument parce que, en gros, avec l'économie du savoir, il y a des monopoles qui se mettent en place, il y a des brevets, des choses comme ça, et donc ils disent qu'on va passer de l'économie basée sur le profit à l'économie basée sur la rente. Mais pour moi, c'est pas un vrai argument, parce que le monopole, tout ce que ça vous permet de faire, c'est, vous avez W sur P ici, le monopole, bah, même en monopole ou pas en monopole, votre premier travailleur, il va produire 14 pommes de terre. Maintenant, si vous achetez le brevet des pommes de terre, et vous êtes en monopole, tout ce que ça vous permet de faire, c'est d'augmenter le prix. Et augmenter le prix, tout ce que ça va faire, c'est arriver à un prix plus bas, et augmenter votre profit. Donc, augmenter l'exploitation du premier travailleur. Donc que ça soit avec la rente, enfin déjà ils utilisent la rente en mauvais terme parce que la rente c'est ce qui est associé au capital normalement. Genre quand vous empruntez du capital, vous payez un taux d'intérêt, c'est ça qui s'appelle la rente. C'est pas la position monopolistique la rente dans la théorie marxiste. Et donc ils disent faut repenser le concept d'exploitation, c'est plus approprié parce qu'il y a des positions monopolistiques. Ben non, ça fait juste augmenter le taux d'exploitation des travailleurs à la limite. Voilà. Et donc avec l'économie du savoir, et puis même cet argument, genre avec l'économie du savoir, le travail prend une place de plus en plus marginale dans la production, tout est produit par le savoir et pas par les travailleurs. Le truc c'est que Marx il a vécu à une époque où tout était produit par les arrivé de plus en plus à être produit par les machines et pas par les travailleurs. Et il a pas dit aujourd'hui il n'y a plus d'exploitation parce que tout est produit par les machines et pas par les travailleurs. Genre donc ce que Marx n'a pas fait comme erreur, certains le font. Certains le font. Donc voilà, je pense que c'est juste ça réhabilite le concept d'exploitation. Ça nous demande la capacité de le repenser, mais pas de l'abandonner, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui garantit que ce sera strictement décroissant le rapport entre le nombre de travailleurs engagés et le profit ? Qu'est-ce qui garantit que ta petite courbe sera décroissante puisque plus ton entreprise est grande, en général, plus tu peux bouffer les autres. Donc ça, c'est de la théorie néoclassique. C'est des gars qui veulent absolument faire des maths pour se la raconter. Parce qu'il y a plein d'économistes qui disent mais la mathématisation de l'économie, ça sert à rien. C'est juste que quand tu vas voir un ministre et tu lui fais un modèle avec des équations où il capte que dalle, t'as l'air sérieux. T'as l'air super sérieux, je te jure. Quand j'ai vu les premiers modèles de cycle réel, je fais oh putain, les gars, ils sont sérieux, quoi. Et ben en fait, c'est n'importe quoi. C'est juste, en fait, la décroissance de la productivité marginale, elle est juste nécessaire au fait de trouver un équilibre. Imagine ta productivité marginale est croissante. Genre, plus tu produis, plus le dernier travailleur est productif. Donc, c'est-à-dire que là, tu perds de l'argent, mais après un certain moment, ton profit est infini. Parce que cette phase-là, ce qui est au-dessus, la productivité est là, le salaire est là. Ce qui est là, c'est le taux d'exploitation, et ce taux d'exploitation ne fait que monter. Donc, où est-ce que tu t'arrêtes de produire ? Genre, quand est-ce que tu arrêtes de produire si ce truc est croissant? Où est ton équilibre mathématique? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu prends une décision? Il faut juste que tu embauches le plus de gens possible. Et donc, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas de décision. Et donc, c'est pour ça que, enfin, à la base, c'est juste pour avoir un putain d'équilibre. Après, ils te sortent des arguments théoriques plus ou moins valables. Genre, d'abord, j'embauche les travailleurs les plus efficaces, parce que c'est les plus efficaces. Après, je prends les nuls. D'abord, après, tu as à capital fixe. Là, il n'y a pas de capital, mais à capital fixe, tu peux avoir une décroissance de la productivité des travailleurs. Par exemple, sur un carré de 10 mètres carrés, tu as une production de pommes de terre. On va garder les pommes de terre. Ton premier travailleur, il va ramasser les pommes de terre. Ton deuxième travailleur, il va en ramasser. Ton troisième, peut-être qu'il va en trouver un peu moins parce que les autres, ils ont déjà pris celles sur lesquelles il allait tomber. Et à partir de 4 millions de travailleurs sur un mètre carré de terre, la productivité tombe à zéro parce qu'il piétine les pommes de terre et personne ne peut en ramasser. C'est un argument que j'ai entendu en cours d'économie, ça. Ils étaient sérieux. Et oui, à partir de 10 millions de travailleurs sur un mètre carré de produit, c'était abusé. Donc voilà comment il est. Mais en fait, l'explication, c'est juste qu'ils ont besoin d'un équilibre pour faire tourner un modèle. Et c'est pas forcément faux parce que en fait, ça te permet de. Ça peut être une variable instrumentale pour. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'au bout d'un moment, t'arrêtes d'embaucher des trucs parce que ça maximise plus tes profits. Et ça, c'est vraiment une. Que ça soit parce qu'il n'y a pas assez de demandes ou parce que ce raisonnement est juste, tu t'arrêtes d'embaucher au bout d'un moment parce que ça maximise pas tes profits. Donc ils peuvent avoir raison, mais sans le faire exprès en fait, et juste parce qu'ils voulaient une mathématisation de l'économie. En fait, je voulais savoir si la mondialisation en fait aggravait le processus d'exploitation et le mode de production capitaliste par rapport à l'avant-mondialisation. Et je voulais savoir également quelle fonction avait la monnaie et si elle pouvait réguler un petit peu le profit et l'exploitation. Et la monnaie ? Rôle de la monnaie. Ok, sur la mondialisation, oui, en fait, tu augmentes la concurrence entre les travailleurs, donc les salaires vont baisser, ça augmente le taux d'exploitation. Enfin, tu vois, genre, tu mets les travailleurs en concurrence entre eux, donc leurs salaires vont baisser ou augmenter moins vite par rapport à la productivité, et donc tu augmentes l'écart entre cette barre-là horizontale, ça devient illisible, hein, mais vu que tu étais là au début, cette barre-là qui est horizontale, qui est censée être le salaire, et ce que rapporte vraiment le travailleur en termes de valeur. Et donc en fait, vu que tu vas baisser les salaires, ça va augmenter cet écart et donc t'augmente le taux d'exploitation des travailleurs grâce à la mondialisation. En plus, la mondialisation permet... en gros on va s'arrêter là, mais après tu as la concurrence des capitaux entre eux, ça veut dire que le taux d'intérêt va augmenter parce que ils essaient d'attirer du capital vu que le capital est mobile, t'augmente la rémunération du capital. Et donc à travers ça, tu prends des thunes aux travailleurs pour les donner en dividendes ou des trucs comme ça aussi. Donc t'as plein de liens possibles. Mais oui, la mondialisation, en fait, elle accélère ce processus plus qu'elle en est à l'origine. Parce que même dans un truc national, ce raisonnement d'exploitation au niveau national, il sera constant, quoi. Enfin, c'est pour ça que le retour à la souveraineté nationale ne réglera en rien votre problème de mode de production capitaliste. Enfin, ceux qui balancent ça, c'est rigolo, quoi. Et limite, ça peut l'aggraver parce que, enfin, tu vois, on sort de l'Europe, d'accord, mais l'Europe, c'est pour l'instant le seul outil de régulation de ce dumping. Même si aujourd'hui, c'est un outil de dumping, ça serait le seul outil potentiel pour limiter cette concurrence déloyale entre les travailleurs. Et sortir de l'Europe, ça serait s'en débarrasser de ce seul outil potentiellement possible. Mais il n'est pas utilisé aujourd'hui, donc c'est pas pour ça qu'il faut rester dans l'Europe, c'est juste un point limite. Sur la monnaie, en fait, pour les gars de droite, enfin pour les néoclassiques, on va raisonner comme ça, hein. Les néoclassiques c'est les gars de droite, les keynésiens c'est les gars de gauche, et les communistes c'est les vrais, c'est... C'est ceux qui disent que les deux ont raison en même temps, mais que c'est bien pour ça qu'il faut sortir de ce mode de production. Et donc pour les gars de gauche, les keynésiens, la monnaie a un rôle. Pour les néoclassiques, c'est juste un outil, elle sert à rien. Et en fait, le rôle de la monnaie, ce qui est rigolo, parce que c'est censé être des gars de gauche, c'est que quand tu fais de la création monétaire, je vais essayer de faire un truc propre, mais ça reste le même raisonnement. Vous pouvez vous arrêter là en économie. Hein. Vous faites une licence 1, vous voyez ce modèle-là, et vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez en conclure tout ce que vous voulez dans ce modèle-là. Euh, Donc la monnaie, en fait, ça joue sur les prix. La masse monétaire influe le niveau des prix. Plus t'as de monnaie, plus les prix augmentent. Plus t'as de masse monétaire, plus les prix augmentent. Donc la création monétaire, pour les Keynésiens, l'utilité de la création de monétaire, c'est un, de faire baisser les taux d'intérêt, mais je vais pas en parler maintenant, et donc le coût de l'argent est plus faible. Et en gros, tu vas t'endetter plus pour acheter, investir, consommer et tout. Donc c'est le premier truc de la monnaie, ça peut aider à relancer l'économie par ce biais-là. Par le biais de le taux d'intérêt est plus faible, donc je vais pouvoir m'endetter plus pour acheter des frigos, m'endetter plus pour investir et monter des entreprises et des trucs comme ça. Donc c'est un premier biais de relance via la monnaie. Mais l'argument des Keynésiens sur la monnaie sur le chômage, il tient surtout parce que ça va jouer sur les prix. En fait, l'augmentation de la masse monétaire crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est augmenter ce petit paramètre-là. Quand tu crées de l'inflation, tu augmentes P. Donc W sur P, le salaire réel, si tes salaires sont constants et n'ont pas rattrapé tout de suite l'inflation, okay, bah, ça va faire diminuer le coût du travail réel perçu par l'entreprise. Parce qu'elle va augmenter ses prix, mais elle va laisser ses salaires constants. Donc l'écart entre les prix et les salaires augmente. Donc le coût réel du travail pour l'entreprise capitaliste diminue. Et donc ça passe de cet équilibre-là à cet équilibre-là. Et donc, tu augmentes l'emploi. Mais tu augmentes l'emploi d'une manière de gauche, par la relance monétaire, mais d'une manière de gauche, c'est-à-dire en passant de ce taux d'exploitation-là à ce taux d'exploitation-là. Donc, tu augmentes le taux d'exploitation et tu relances l'emploi. Mais ces gars sont de gauche. Enfin, sont socialistes. Spéciale dédicace à Diem25. Oui, je voulais faire deux réflexions. La première, c'est un peu juste pour dire les choses. J'ai déjà été mathématicien dans ma vie, donc attention, ne jetons pas la critique aux mathématiciens. C'est pas le mathématicien qui fait les hypothèses de départ, hein, c'est bien l'économiste, l'idéologue. Hein. Après, la mathématique, on pourrait dire que c'est un bon de la technologie là-dessus, hein, et qui va simplement tirer toutes les conséquences d'une hypothèse fausse ou non. Hein. Ça, c'était juste pour rappeler un truc. On dit souvent en mathématiques, nous, on n'y est pour rien dans cette affaire. Hein. Voilà, je voulais vous dire ça. Non, mais il faut le dire des fois, parce que... l'autre chose, pour parler du modèle, je ne le connais pas, je découvre. Il y a un truc intéressant dans le modèle de base que tu proposes. C'est, je ne sais pas si je peux pouvoir dire une chose, je vais me faire comprendre. Imaginons qu'en France, on ait une seule entreprise, et que nos patates, là, on va voir cette fameuse productivité dont tu parles. Mais si, par exemple, le premier salarié, là, dont tu parles, qui crée pour le patron, là, ou pour le profit, il crée 6 patates pour le profit, hein, je sais plus les chiffres que tu avais. Mais si après je dois additionner, puisqu'on a dit on est une seule entreprise, hein, on fait tout, hein, si je dois additionner après le coût, bon, moi j'étais ce travailleur, hein, j'étais un peu mis sous pression et qu'il me faut 6 patates pour me payer mes arrêts maladie. Donc même avec ce modèle mathématique, si on globalise l'ensemble des choses, ça va plus marcher, puisque tous les coûts indirects, pollution, dépollution et tout ça vont pas être mis dedans, et que peut-être dans un modèle théorique, si on imagine qu'on est une seule entreprise et on fait tous les boulots qu'on fait en France, ce modèle-là, on va de façon assez simple montrer qu'il est qu'on perd de l'argent, quoi. Voilà, c'est ce que je veux, c'est les réflexions. Alors, est-ce qu'il y a des modèles qui mettent un peu ça dedans, enfin des voilà. Merci. Ok, sur les coûts indirects, genre les arrêts maladie et tout. En fait, tu peux supposer que ces coûts ils rentrent dans W, dans le coût du travail, parce que les arrêts maladie, tout ce qui compte pour l'entreprise capitaliste, c'est que c'est un coût. Donc tu peux dire que ça rentre dans W, t'augmente les arrêts maladie, ça augmente le coût du travail. Non mais je comprends, ça c'est sur le premier truc. Les coûts indirects de production, genre la pollution et tout, mais ça c'est, ils s'en foutent, tu vois, genre ça rentre pas dans le profit. Et donc on peut perdre de la valeur, mais dans ce mode de production, ce qui a valeur, c'est ce qui est valeur marchande. Tu vois, et donc, mais oui, ça peut. Ouais, et il y a des modèles qui essaient d'introduire les biens publics, les biens communs, les externalités négatives, on appelle ça, en termes de pollution, de santé, d'éducation. Il y a plein de modèles qui essaient de faire ça. Mais ça reste basé sur. Il y a plein de modèles qui essaient de faire ça. Peut-être on en parlera, je te filerai des papiers. Ouais, Ouais. Sur ce que tu disais, au début j'ai cru que tu me disais ça allait pas marcher parce que j'ai 6 de profit, le gars il gagne 6 pommes de terre, donc à la limite je peux lui vendre mes pommes de terre. Par contre lui il va produire 4 pommes de terre en surplus, donc j'ai 4 de profit. Enfin tu vois, genre je crois que tu disais que ça allait pas marcher s'il y avait une seule entreprise parce que ils allaient produire plus qu'ils ne pourraient consommer. Et c'est pas ça que tu voulais dire ? Ah d'accord. Bon, c'est dommage, j'avais un truc à dire là-dessus. Bah en fait c'est ça la contradiction intrinsèque du mode de production capitaliste que Marx met en exergue, c'est que pour pas avoir de crise d'offre il faut baisser les salaires, ok, mais si vous baissez les salaires vous allez vous taper une crise de demande, et inversement, bon il y a une crise de demande, il faut augmenter les salaires, d'accord, mais si on augmente les salaires on va se taper une crise d'offre, et donc vous passez votre temps, l'histoire économique est basée entre des crises d'offre, des crises de demande. Vu qu'il n'y a plus de profit, bah, les actions elles valent plus rien. Crise financière qui se répercute en crise d'offre, puis en crise de demande. Et en fait, vous pouvez voir le déplacement de l'origine d'une crise à travers le temps et l'espace. Et elles sont toutes reliées entre elles, en fait. Et, parce que la crise des subprimes, à la base, c'est vous avez des taux d'intérêt, vous avez des maisons qui valent plus rien. Donc vous pouvez pas rembourser, donc ça réduit les profits des gens qui avaient investi sur ces maisons, où c'était dit bah oui ils vont rembourser, je leur ai prêté de l'argent mais ils vont rembourser, ça réduit leurs profits, ils peuvent plus investir, donc il y a plus de production, bah il y a plus assez de demande, enfin c'est la crise des subprimes, c'est aussi un truc comme ça, et donc en fait c'est basé sur une des contradictions intrinsèques du mode de production capitaliste. Ce mode de production est fait pour générer des crises. Les crises ne sont pas une exception, on vous dit c'est la crise, il va falloir faire des efforts, mais vous savez très bien que ça fait 40 ans, c'est comme ça. Hein, c'est... Mais les crises ne sont pas une exception au sens de Badiou, c'est la vérité du capitalisme. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on pense comme exogène, mais qui fait totalement partie de la totalité, si on réfléchit en termes de totalité, c'est l'antithèse du délire, s'il vous plaît, si vous voulez, en parlant très vite. Voilà, j'ai pas répondu très bien, je suis désolé. C'est pas la première fois. Ouais. Oula. Kevin, c'est moi. Premier rang. Moi, il y a un truc que je voulais te parler, parce que aujourd'hui, dans une entreprise capitaliste et plus capitaliste que ça, tu meurs. Le sacro-saint, c'est le coefficient d'exploitation. C'est le Graal, et c'est ce qui fait passer tous les plans sociaux, plus ou moins déguisés. Et on a. En France, aujourd'hui, je trouve ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on est, mais partout, hein, dans toutes les grosses entreprises françaises, on détruit le travail complètement. Il n'y a aucune cohérence, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu dialogues avec ces patrons-là, entre guillemets, tu leur dis « mais pourquoi vous faites ça ? Il y a d'autres solutions possibles ?»« Oui, mais les autres, ils font ça. » Et en fait, on a des espèces de gros laboratoires en France, type Renault, Peugeot, etc. Et on voit ce que ça donne avec les fermetures d'usines ou des grosses, encore plus grosses entreprises. Et en fait, ils sont un petit peu dans leur casse, là, tous ces gens-là. Et ils voient pas comment faire. Ils voient pas comment faire. Et nous, donc je reprends cet exemple d'une grosse entreprise anticapitaliste. Donc, ils te font des plans sociaux. Donc, ils te disent, voilà, bah, c'est pour réduire le coût du travail. Une fois que le plan social il est passé, bah, y a moins de monde, donc ils font des réorganisations sur réorganisations. Non seulement ils font des réorganisations, mais ils mettent plus de strates et plus de cadres et de chefs. Donc du coup, ils augmentent encore la masse salariale. Donc du coup, ils se retrouvent avec des effets de leur plan social qui est complètement néfaste. Et ils reviennent en arrière. Et après, ils te disent, ah bah ouais, mais finalement, il reste plus que la masse salariale. Donc, ils t'imposent des modèles en te disant, allez, on est en 2016, aujourd'hui, il y a des, je l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent un petit peu, mais il y a des tablettes, il y a des, voilà, il y a Internet, on peut faire plein de choses à distance, etc., etc. Et donc, la digitalisation du monde du travail, c'est là où je veux en venir. Et aujourd'hui, donc, on tue, en fait, le travail. Et alors qu'on nous dit qu'il y a X millions de chômeurs en France, donc moi, j'ai du mal à voir comment, en tuant le travail, en fait, on va pouvoir faire travailler ces gens-là. Alors, il y a l'argument qu'ont beaucoup de syndicats, etc., c'est travailler moins pour qu'il y ait plus de travailleurs. Mais au rythme où ça va, Je veux bien, je l'entends, mais je suis pas sûr qu'en faisant ça, on pourra faire travailler tout le monde, entre guillemets. Donc moi, j'ai du mal à avoir une issue à tout ça. C'est un espèce de cercle vicieux. Et finalement, ceux qui gagnent, c'est toujours les mêmes, c'est les 1%, et les 99%, on est un peu niqué dans l'histoire, quoi. Enfin, en tout cas, dans les grosses boîtes. Après, je me permettrai pas de parler sur les autres. Donc, voilà, un peu ton avis sur tout ce que je viens de te dire. C'est très large, hein, je suis désolé, mais... C'est très bien que ça soit très large, je vais pouvoir dire ce que je veux, en fait. Sans répondre à ta question, bien sûr. J'ai noté, tu disais que c'était le coefficient d'exploitation, vu que j'étais économiste et j'ai jamais vraiment travaillé de ma vie, au sens capitaliste du terme, j'ai très peu mis en valeur de capital, donc je sais même pas ce que c'est de ce terme de coefficient d'exploitation, faudrait que tu le définisses. Peut-être c'est l'excédent brut d'exploitation. Ouais, c'est le taux de profit. D'accord, ils appellent ça. Sur le taux de profit, je sais pas par où, comment. Peut-être sur travailler moins, parce que c'est un truc qui m'énerve souvent chez les visions de gauche. Et je vais pas me faire que des copains ici. C'est travailler moins au même salaire, ça a un effet d'augmenter le coût du travail. Augmenter le coût du travail dans un mode de production capitaliste peut vous générer une crise d'offre. Une fois que vous avez fait ça, les gars de droite reviennent au pouvoir et vous disent les délires des gauchistes, ça suffit maintenant. Vous allez en prendre pour 30 ans. Donc c'est juste les visions partielles de l'économie qui me dérangent, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et c'est pour ça que je suis marxiste, qui voit les choses en totalité. Enfin, j'ai l'impression, je dis pas que j'ai raison, tout ça, c'est juste mon avis, et puis voilà. Le partage du temps de travail comme solution dans un mode de production capitaliste, j'y crois vraiment pas. Ça peut marcher à des moments quand vous avez des problèmes de demande, ça a marché à des moments, ça peut marcher sur du très long terme parce que, sur très long terme, vous passez de crise d'offre à de crise de demande. Donc forcément, la baisse du temps de travail et l'augmentation du pouvoir d'achat a eu un effet positif à un moment donné. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'augmentation du salaire minimum, sur des études de très long terme, qui prend toutes les études qui ont été faites et qui en tire une conclusion, disent que ça n'a aucun impact. Ça n'a pas d'impact négatif en termes d'emploi, mais ça n'en a pas de positif. Parce que vous mélangez justement les effets d'offre et les effets de demande. Donc sur très long terme, vous êtes passé par une crise d'offre où ça n'a pas amélioré les choses, et ça les a même dégradés, mais aussi vous êtes passé par des crises de demande, où là c'était plutôt efficace. Donc voilà, enfin c'est très dur de répondre à ce genre de questions sur la baisse du temps de travail sans pourrir les gars de gauche et en donnant du crédit aux gars de droite, mais dans un mode de production capitaliste, vous pouvez créer des crises d'offres. Sur le taux de profit et le fait que ça n'ait pas de cohérence, à un moment tu as dit mais c'est pas cohérent ce qu'ils font, mais c'est très cohérent en fait, c'est qu'ils maximisent leur profit individuel. C'est très cohérent dans ce mode de production là, c'est juste ce mode de production qui n'est totalement pas cohérent et qui est bourré de contradictions. Et sur le fait qu'ils ils enlèvent de la masse salariale, c'est rigolo parce qu'au niveau individuel, ça maximise tes profits. Mais si tout le monde fait ça, tu dégages plein de travailleurs qui n'ont plus de salaire, donc tu crées une crise de demande et donc tu réduis tes profits à long terme. Mais en plus, moins tu as de travailleurs dans une société, imaginons que tu les exploites toujours de la même manière, et plus tu as de capital, tu diminues le taux de profit. Parce que tu expropries moins les gars en ayant investi la même somme de capital. Ou tu expropries les gars toujours autant en ayant augmenté tes investissements en capital et en travail. Donc tu réduis le taux de profit. Et la réduction du taux de profit réduit l'investissement, ce qui peut créer une crise d'offre, blablabla. Donc c'est juste ce mode de production qui bourre de contradictions. Et là, faut lire des gars comme David Harvey. David Harvey qui dit que c'est... c'est pas le taux de profit qui compte vraiment, parce que quand on a des baisses de taux de profit, ça se trouve c'est dû à des problèmes de demande, ils n'arrivent plus à écouler leurs marchandises et donc c'est ça qui baisse le taux de profit. Vous avez un autre marxiste qui s'appelle Michael Roberts qui dit que la demande on s'en fout, tout ce qui compte c'est le taux de profit. Enfin, vous avez les redivisions des néoclassiques, vous les avez aussi dans les courants communistes, c'est ça qui arrive. Sur les autres font ça, c'est pas incohérent, ils disent les autres font ça, mais tu sais, il y a Keynes qui disait sur les marchés financiers, vaut mieux se tromper avec tout le monde que d'avoir raison tout seul. Parce que t'achètes un titre où t'es sûr que t'as raison et qu'il est coté à la bonne valeur, mais oui, ils achètent des titres où ils sont totalement tarés, ça fait augmenter le cours du titre, ils se font du profit, t'as beau avoir raison, t'as pas augmenté tes profits. Donc vaut mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et sur les 1%, oui, si on continue ces réformes structurelles, En fait, faut lier le mode de production au mode de distribution des richesses. Il faut produire de la richesse, donc il faut faire des réformes structurelles. Le truc, c'est des réformes structurelles, c'est réduire la part du travail. Donc, et après, ils disent, mais on va pouvoir redistribuer. Mais redistribuer, c'est diminuer le taux de profit. Donc, ils disent, faut augmenter le taux de profit pour produire des richesses et les redistribuer après. Enfin, dans ces structures-là, tu ne peux pas redistribuer de l'argent. Dans des structures capitalistes, tu ne peux de moins en moins redistribuer de l'argent. Parce que ça va en incohérence avec la nécessité de prendre en compte le profit comme variable centrale dans ce mode de production. Enfin, c'est très difficile dans ce mode de production de redistribuer de l'argent, et c'est pour ça qu'après les réformes, la vague néolibérale depuis les années 80 avec Reagan, Thatcher, tout ça, et la création de MTV, c'est parfait, 1980, Reagan, Thatcher, MTV. dans ces structures-là, tu ne peux que favoriser les 1%, parce que tu favorises le capital, tu favorises les profits, c'est pas la même chose. Okay. Le capital, la rémunération, c'est la rente, le taux d'intérêt, donc tu favorises le taux d'intérêt, ce qui va au capital, les profits, ce qui va au capital aussi, et tu diminues les salaires, donc forcément c'est les 1% qui en profitent. Et donc t'as Piketty qui arrive avec son capital au 21e siècle, c'est le problème, c'est pas le profit, c'est la rente. Mais c'est lié, enfin tu peux pas, enfin ces trois types de crises sont liés, tu peux parler de la finance, de la production et la réalisation, mais il faut comprendre que c'est lié à un endroit et tu peux pas différencier les choses. Donc dans ces structures là, oui, ça profite au 1% et c'est pas prêt de terminer si on change pas de mode de production. Là, mais c'est très utopique, blabla, mais je pourrais te faire une réponse bâton en disant qu'aujourd'hui, les utopistes, c'est ceux qui croient que ça peut commencer, continuer comme ça, sans de crise grave, blablabla. Mais aussi, notre vision, genre, il faut que le mode de production ne soit pas plus basé sur la maximisation de profits individuels pour gérer la production, ça, c'est passé au communisme, et c'est très difficile, quoi. Enfin, faut des étapes avant ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici, ces étapes avant ça. Merci. Je vais essayer de poser une question courte pour avoir une réponse claire, si tu veux bien. Et tu me dis, peut-être que je me trompe totalement, hein, j'en suis même persuadé, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne rentrent pas dans ce modèle-là. Je parle d'entreprises qui produisent rien du tout, mais qui exploitent les producteurs. Alors, je vais en prendre une que je n'ai jamais citée ici, hein, pour une fois. Non, mais c'est vrai, je ne vais pas parler de Google. Je vais juste parler, par exemple, sinon c'est trop facile. Je vais juste parler d'Uber, par exemple. À mon sens, par exemple, Uber, bien sûr, ils ont un marché, il y a une demande, ils créent l'offre, ils peuvent l'augmenter énormément, l'offre, pour qu'il y ait un déséquilibre par rapport à la demande, pour que les VTC qui sont juste des producteurs se retrouvent avec une crise de demande. Et à mon avis, eux, ils ont tout compris au schéma parce que justement, ils sont kikinent pas avec les coûts, les risques, les pertes, ils prennent juste le bénéfice, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas trop. Sur Uber, le truc c'est que c'est une plateforme, donc ils exploitent des gens au bout d'un moment, parce que les gars qui payent une taxe à Uber, tu vois, genre c'est pareil. Enfin, tu vois, genre le gars il a une productivité de 3 clients. Uber va pas le payer, mais il va se faire payer par. Enfin, oui, t'as raison, ça peut. Faudrait que j'y réfléchisse, mais ouais. J'ai 10 minutes pour y réfléchir. Après, tu t'en vas jamais. Mais ça peut rentrer dans le truc des rentes dont on parlait tout à l'heure, où je critiquais la position. C'est des gens, ils baissent le nombre de patates. Okay. Ça peut rentrer dans ces positions monopolistiques ou ces nouveaux trucs en termes de rentes. Ça peut rentrer là-dedans. C'est comme. J'ai du mal parce qu'il y a bien des travailleurs à Uber. Il y a les gars qui mettent en place la plateforme. Et moi, je serais pour dire que ces travailleurs-là sont à l'origine d'une productivité qui est le nombre de gars qui vont pouvoir exploiter et choper une taxe sur eux. Et j'ai une formation néoclassique et je suis marxiste. Enfin, tu vois, genre, j'aurais tendance à tout ramener à ce truc-là pour vous pouvoir expliquer les choses. Et ça se trouve, c'est pas une bonne idée. Mais j'aurais tendance à dire que il y a bien un gars qui travaille à Uber, et même s'il y en a qu'un qui travaille là-bas, c'est lui qui est à l'origine des 14 patates produites. Ou des 14 véhicules ou des 1 milliard de véhicules sur lesquels ils font une taxe. Et donc toute cette taxe, pour moi, elle entrera dans la productivité du travailleur de bas. Et donc ce travailleur, il apporte 14 millions d'exploitations de gars, véhicules, je sais pas quoi. J'y connais rien en plus, Uber. Mais il est payé que 4 milliards d'euros. Il se fait exploiter quand même. Là, j'aurais tendance à dire ça. Et même s'il y avait une machine qui produisait tout, tu vois, le raisonnement de le capital ne crée pas de valeur. La position monopolistique ne crée pas de valeur en elle-même. Il y a que le travail qui met en mouvement le capital qui crée de la valeur. Même s'il y avait plus qu'une machine qui produisait tous les biens du monde et qu'il y avait un gars pour appuyer au départ, c'est-à-dire le jour où on lance la machine sur le bouton, je serais pour dire que ce gars-là a la productivité du monde. Tu vois, genre, et il serait exploité parce que son salaire ne serait pas égal à la productivité du monde. Enfin, je peux essayer de répondre comme ça. Ah, ah. Tu voulais dire autre chose ? Ah, pardon, bah vas-y. Mais c'est une position qui rejoint aussi la question de Facebook, parce que les travailleurs de Facebook, c'est pas eux qui créent. Enfin, tu vois, genre, tu pourrais avoir une analyse qui dit les vrais travailleurs de Facebook, c'est nous qui remplissons Facebook de trucs, tu vois. Et c'est la question du free labor qui est posée par des économistes italiens et qui est vraiment intéressant. Je suis pas sûr que ça soit Vercellone, mais faudrait que je vérifie et je te balance le lien parce que c'est la question du free labor. Mais labor. Mais je serais plus pour dire que le travail des gars qui remplissent Facebook, c'est du travail non marchand, donc non exploitable, qui a une externalité positive sur la productivité des travailleurs de Facebook, qui est là et qui ne sont pas payés la totalité de leur salaire. Enfin, je referai tomber les trucs dans la case en connard. Enfin. Oui, moi j'aurais aimé qu'on... Vous m'entendez pas ? Oui, moi j'aurais aimé qu'on élargisse un petit peu plus ce débat, qu'on ne reste pas sur le côté productif. Là, vous nous donnez, vous, votre avis étant qu'économiste. Oui, moi, je le perçois ainsi. Sachant que dans la communauté que nous sommes tous intégrés, nous savons, disons, certains le savent, et je pense que vous le savez, par rapport à toute votre formation dont vous nous avez parlé, alors... Et nous sommes au courant souvent de certaines stratégies qui sont utilisées, même si nous disons nous sommes dans la communauté. Les choses ne sont pas toujours respectées, même si nous faisons toujours des grandes réunions dans les endroits que nous connaissons tous. Hmm? Oui, quand il y a des rencontres en Belgique, tout ça, concernant le monde du marché, au niveau agricole. Moi, j'essaie de cibler les secteurs d'activité, hein, par rapport à X faits de la vie quotidienne que moi, je fais face tous les jours. Moi, ce que je souhaiterais savoir, est-ce que vous, économistes, et vos prédécesseurs, que vous énumérez sans cesse, qui, pour moi, ont fait leur temps, et ce qu'ils ont dit a encore des conséquences aujourd'hui, ont encore de la valeur, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour voir un peu dans quel, avec toutes les personnes concernées que vous connaissez, je ne veux pas les citer, qui énumèrent, qui votent les lois, qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que nous, quelque part, nous sommes là, nous sommes en train de subir. Est-ce que nous allons laisser ce monde capitaliste nous envahir et baisser les bras et ne rien faire et nous engloutir, tôt ou tard? Et c'est toujours les plus petits qui sont toujours les perdants. Ils en ont deux, les deux qu'ils ont, ils le perdent. Et le capitaliste qui a déjà 90%, ça augmente. Que pouvons-nous faire face à cela? La grève générale. En fait, c'est simple. C'est que l'égalité, soit il nous la donne comme on la veut, soit on l'impose à notre manière. Et l'imposer à notre manière, c'est faire la grève générale. Parce que si on ne produit rien, oui, c'est compliqué, je sais, mais si on ne produit rien, on sera égaux. Parce que personne n'aura rien. Et soit on leur propose cette égalité où personne n'a rien et nous, on n'a rien à perdre vraiment, tu vois, par rapport à eux qui ont 90%, enfin, Voilà, on peut essayer de négocier comme ça. Soit on impose l'égalité, soit vous acceptez l'égalité dont on veut et vous la mettez en place, soit on impose notre égalité par la grève générale et tout le monde n'aura rien. Ça peut être un argument. Je dis pas que ça marche, je dis que nous aussi on a besoin de manger et donc il faut travailler. Enfin, tu vois, c'est un des points, la grève générale est un moyen et ça a toujours été le moyen pour obtenir des choses. Deuxièmement, après des propositions positives, moi j'en vois une, c'est... Après c'est technique et tout et c'est chiant et mais ok. Le but c'est de socialiser de la valeur et de faire une expérience démocratique de la gestion de cette valeur socialisée. Pour l'instant la socialisation de la valeur c'est les impôts blablabla, c'est l'État qui la gère. Et on sait que nos hommes politiques on peut pas trop leur faire confiance et on n'a pas trop envie de démocratie représentative sur cette place. Donc ce que des gens proposent c'est tu désendettes les entreprises en... Ok, les entreprises sont endettées. Tu supprimes leur dette sur une partie, genre 10% de leur dette, pour 1 000 euros. Tu supprimes 1 000 euros de leur dette et tu leur dis, bah vas-y, on va les rembourser par création monétaire, comme ça, en même temps, ça fait de la relance monétaire. Et, par contre, tu augmentes leur cotisation de 1 000 euros. Donc, tu fais ça à profit nul. Donc, ils peuvent pas te dire, ouais, mais ça va réduire les profits, donc on va licencier des gens. Ils peuvent pas te dire ça, vu que tu fais ça à profit nul. Tu les désendettes de 1 000 euros. Tu augmentes les cotisations de 1 000 euros. Ces 1 000 euros... Tu les donnes pas à l'État comme d'habitude pour qu'ils fassent des trucs. Tu les mets dans une caisse gérée par les travailleurs comme c'était au début de la cotisation sociale, comme c'était au début. Et t'as une expérience démocratique de la gestion de la valeur de ces 1000 euros-là. Et donc, en fait, tu socialises des bouts petit à petit de valeur produite dans la société et dont l'objectif est d'arriver à 100% de la valeur produite dans la société. Tu repars sur le combat de la cotisation sociale qui est un truc révolutionnaire selon certains économistes et tu l'utilises pour faire une expérience démocratique à côté. Donc tu te réaccapares une partie de la valeur et tu l'utilises. Bah, par exemple, les travailleurs de cette caisse, les travailleurs ont décidé que ça serait pour augmenter les allocations chômage. Ça serait pour payer des hôpitaux. Parce qu'au début, les hôpitaux, on s'est pas endettés sur les marchés financiers pour les payer. On les a payés par cotisation sociale. Bah, tu refais la même chose. C'est le truc à peu près proposition positive que j'ai. Se battre pour ça, pour socialiser de la valeur, mais de manière gérée de manière indépendante de la façon dont c'est fait aujourd'hui et par des moyens de lutte qui sont la grève, les manifestations, l'occupation des places. Je sais pas quoi te dire d'autre. J'ai pas de solution vraiment à part ça en fait. Excusez-moi, j'ai un point technique. On a besoin de 5 personnes pour monter le dôme à côté. 4, pardon. S'il y a des courageux, on offre de l'eau. On a que ça. Hein. Et des câlins, si vous voulez. C'est bon. Merci beaucoup pour votre solidarité. Nous reprenons le cours de ton exposé. En fait, l'intervenant qui était après n'était pas là. Donc, on a... qui devait arriver, mais... à 16h, donc... Non, mais c'est juste que je suis roux et je suis au soleil, en fait. Mais sinon, on peut te mettre à l'ombre. Hein. Non, c'est bon. Ok, bon, on continue. On a de l'eau pour ceux qui n'ont pas d'eau, éventuellement des gâteaux. Voilà. Vous pouvez nous faire signe, les gentils organisateurs d'Éduc Pop. Je voulais revenir sur ta réponse quand je sais plus qui a posé une question sur la mondialisation et des effets que ça avait. T'as dit que ça mettait les travailleurs à concurrence et donc que les salaires baissaient. Mais il me semble, si j'ai des bons souvenirs, que pour les travailleurs qualifiés, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les salaires augmentent. Et je trouve que ça pose un gros problème parce que après, quand tu disais la solution, c'est la grève générale parce que après tout, on n'a rien à y perdre. Il y a des gens qui ont quelque chose à y perdre parce que les capitalistes ont été suffisamment intelligents. Enfin, c'est pas une décision rationnelle, c'est le système qui a fait en sorte que les travailleurs très qualifiés se retrouvaient avec des salaires plus élevés qu'en cas de non-mondialisation. Et même si, bon, ils gagnent des salaires qui sont pas du tout en proportion des super profits des capitalistes, mais bon, des mecs qui gagnent déjà 3000, 4000, 5000, 6000 euros, par rapport à la majorité des travailleurs, c'est déjà pas mal. Et eux, pour moi, ils ont quelque chose à y perdre. Alors que c'est les travailleurs exploités comme les autres, c'est juste que eux, ils en profitent. Donc, comment tu vois ça c'est pas vraiment une question, en fait. Ouais. Sur la mondialisation et les travailleurs qualifiés, oui, en fait, ce qu'on apprend à l'école, c'est que C'est que vu que les pays pauvres n'ont pas de travailleurs qualifiés, les gars, dans les pays pauvres, ils ont besoin de biens produits par des travailleurs qualifiés quand même, donc ils deviennent en position de force sur un marché mondialisé. Parce qu'ils sont très peu relativement au monde. Et donc ça augmente leur salaire, c'est ce que Elodie voulait dire. Et donc eux, c'est des gagnants de la mondialisation. Et c'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est pas pour ça que leur taux d'exploitation est plus faible que ceux des travailleurs non qualifiés. C'est juste qu'ils sont moins conscients d'être exploités. Et il faut jouer aussi sur cette conscientisation de classe au niveau des travailleurs non qualifiés. Et ça me rappelle juste, je vais faire du name dropping, mais il y a Duménil et Lévy qui parlent justement de l'émergence d'une nouvelle classe, mais je suis pas d'accord avec eux, parce que ça reste des prolétaires au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que eux aussi n'ont que leur force de travail, et aussi sont exploités. Et donc, Duménil et Lévy, peut-être des trucs à lire, je sais pas. Faut travailler sur la conscientisation des travailleurs qualifiés. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce qu'avec ce truc-là, tu vois que quel que soit ton niveau de salaire, le truc que j'ai effacé, non, vraiment, non, c'est très laid en fait. Quel que soit ton niveau de salaire, quelles que soient tes conditions de travail, si t'es embauché sur le marché privé, par une entreprise marchande, tu es exploité de fait. Sinon, ils ne t'embaucheraient pas. Ils n'auraient aucun intérêt à t'embaucher si ton salaire était supérieur à ce que tu rapportais. Enfin, voilà. Ça me fait penser aussi au salaire minimum. J'avais prévu 19 pages dans le truc. Et il y avait une expérience de hausse des salaires minimums, justement. Et il disait que ça avait aucun impact parce que une des manières de gérer la baisse du profit associée à la hausse du salaire minimum pour les entreprises, c'est de réduire le salaire des cadres pour permettre de réduire, d'augmenter le salaire des travailleurs non qualifiés. Parce que justement, les facteurs de production sont complémentaires et pas totalement substituables. Donc, ils ont besoin des deux. Bah, ils vont baisser le salaire des cadres pour augmenter le salaire minimum. Et donc, ça peut être un outil de réduction des inégalités aussi. Voilà. Ouais, non, faut taffer sur la conscientisation des bourgeois, en fait. Enfin, des petits bourgeois. Enfin, nous, c'est facile. On est des bourgeois en voie de prolétarisation. Donc, nous, on est déjà conscientisés, mais faut taffer sur les autres, quoi. Et les autres, ils font pas grève, ils ont aucun intérêt à faire grève, c'est des gagnants de la mondialisation et tout, mais ils sont censés être, tu vois, ils sont censés aimer les pauvres quand même. Enfin, je sais pas, faut taffer là-dessus, t'as raison, et c'est un problème de la mondialisation que j'avais pas relevé. Oui, alors juste on a une question qu'on a traduit parce que c'est un ami espagnol. Quel est le montant alloué par la BCE pour les droits, par exemple, le RSA, voilà, par exemple. Alors je sais pas, c'est la question, écoute. En fait, le copain, il nous expliquait qu'en Espagne, pendant la crise, notamment, les banques catalanes, en fait, ont versé de l'argent, en fait, pour aider les plus pauvres. Et donc je pense, en fait, il veut savoir... au niveau de l'Union Européenne, comment ça marche. Mais après, En gros, tout à l'heure, parce que je vous ai posé la question et il m'a expliqué un peu plus après, c'est la question, en fait, c'est les banques françaises au niveau de l'État. C'est-à-dire si l'argent est alloué par les banques françaises au niveau de l'État. En déduisant tous les services sociaux, commerce, machin, etc. Qu'est-ce qui reste au niveau de la population? Parce que, par exemple, en Espagne, du côté catalan, les banques espagnoles ont débloqué 1700 millions d'euros afin d'aider la population, ne serait-ce que pour le vestimentaire, le logement, la nourriture, etc. Je savais pas. Ça, c'est en fait, c'est la théorie de l'hélicoptère de je sais plus qui, un économiste. C'est en gros, vu que d'habitude la politique monétaire se fait sur les taux d'intérêt ou sur la masse monétaire directement, mais pas comme ça en tout cas. D'habitude, vous baissez les taux d'intérêt, c'est plus facile d'avoir des prêts, des trucs comme ça, ça relance l'économie, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Et là, en fait, la théorie de l'hélicoptère, c'est plutôt les banques, même si vous baissez les taux d'intérêt, vont pas prêter d'argent aux pauvres parce qu'ils sont trop pauvres, ou vont pas prêter d'argent du tout parce que l'économie est trop volatile en ce moment, c'est trop risqué, et plein d'études comme ça. Donc la théorie de l'hélicoptère, c'est passer directement de la banque centrale, passer au-dessus des banques de second rang, genre BNP, BRED, tout ça, et donner de la thune aux pauvres, directement. Je savais pas que l'Espagne avait fait ça, c'est une possibilité, c'est un truc qui est possible. Tu me demandes le montant alloué par la BCE pour faire ça, je peux te le donner, par contre, c'est zéro. Ils n'ont jamais fait ça. Pour l'instant, ils se contentent de racheter des titres d'entreprise, de baisser les taux d'intérêt. Ils se contentent de faire ça, ils font pas de politique d'hélicoptère. Mais c'est une revendication de beaucoup de gens qui défendent le revenu de base, dire que ça pourrait être fait par création monétaire directement de la banque centrale vers les pauvres en créditant ton compte de 1000 balles par mois. Il y a des gens du revenu de base qui demandent ça. Je suis pas vraiment pour ça, il faudra en débattre pendant des heures, mais voilà. Je suis pas certain, mais je suis sûr que ça s'est fait en Espagne. La banque, les banques espagnoles ont prêté à l'État. Là, les fonds étaient destinés aux pauvres, mais l'État s'est endetté de 1,7 milliard en plus, qui devra de toute manière rembourser. Donc je pense que c'est plutôt ce genre de schéma qui s'est produit, pas donné aux pauvres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou des ajouts? Une? Alors moi j'aime les questions courtes. Qu'est-ce que tu penses des entreprises qui ont été reprises par les travailleurs? Tu vois de quoi je parle? D'accord. Alors déjà j'avais pas noté mais il m'a vouvoyé. Faudrait pas que je m'asseye sur des chaises en fait. Okay. C'est bien. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est bien. Le problème c'est les structures. Ces entreprises reprises par les travailleurs, elles se font face à d'autres entreprises. Donc d'autres entreprises qui, pour être compétitifs par rapport aux autres entreprises, il faut générer du profit. Ou générer du profit pour faire de l'investissement ou s'endetter auprès des banques pour investir. Ok, dans les deux cas, soit les gars vont s'auto-exploiter parce qu'ils sont dans des structures capitalistes, d'ailleurs qui vont décider, bah les gars, collectivement, c'est nous qui gérons l'entreprise, mais vu qu'on est en concurrence avec des gens qui font du profit, bah faut en faire aussi, donc on va décider de s'auto-exploiter pour financer l'investissement. Ce qui pose problème dans des structures, c'est pas si émancipateur que ça. Au niveau individuel, ça doit l'être. Mais au niveau des structures, c'est pas si révolutionnaire que ça. Et deuxièmement, s'ils font pas ça, ils ont besoin de s'endetter auprès d'une banque pour investir. Et donc, ils vont payer un taux d'intérêt. Et donc, ils vont devoir s'auto-exploiter pour payer un taux d'intérêt. C'est pour ça que le problème, c'est les structures de ce mode de production. C'est pour ça que le problème, c'est le marché du travail. Le problème, c'est le marché du capital. Et donc, trouver des alternatives à l'allocation des facteurs de production ou à comment on produit les choses, en dehors d'un mode de production qui a besoin d'exploitation. C'est la question. Et pas juste essayer de mettre en place un espèce de capitalisme à visage humain, parce que pour moi, il n'a aucune espérance possible. Et deuxièmement, ça donne des choses comme ça, où l'exploitation est encore moins consciente. Parce que les gars ont l'impression de gérer leur vie et leur entreprise. Il n'y a aucune réponse à cette question. Tu dis c'est la question. Et il n'y a aucune réponse. Oui, mais tu disais que voilà, la question, justement, c'est comment modifier ces modes de production. Et je dis, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Étonnamment, il n'y a aucun économiste au monde qui se pose la question de l'après-capitalisme. Parce que c'est vraiment... c'est accepté, c'est un peu la fin de l'histoire, tu vois. Genre, c'est le capitalisme et la démocratie représentative. On a trouvé la solution, les gars. C'est ce que... Fukuyama. C'est le truc de Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on a trouvé une forme de production économique et une forme de représentation démocratique qui nous permet d'être libres, heureux et émancipés. Le truc, c'est que cette théorie vient de tomber à l'eau avec la crise des subprimes. Et donc, c'est compréhensible qu'il y ait très peu d'économistes qui se soient posé cette question. Moi, j'en connais un, c'est Bernard Friot qui propose le salaire à vie et l'extension de la cotisation sociale à 100% de la valeur économique. Et c'est le seul économiste en France, en tout cas, j'aurais même tendance à dire au monde, vu que la France est un cas particulier du monde quand même, en termes de gauchisme primaire, j'aurais tendance à dire que c'est le seul économiste au monde qui pense à l'après-capitalisme. Et c'est pour ça que même si son système est imparfait, je l'aime beaucoup. Et c'est le seul gars qui s'est dit, tiens, on va réfléchir à l'après-capitalisme, mais sérieusement. Donc ils ont plein d'imperfections dans leur délire, mais ils ont des groupes de travail et ils sont totalement honnêtes. Ils font, ouais, ça on n'a pas géré. Tu veux venir travailler dessus, on est en train de travailler dessus. Et voilà sur la réponse possible. Et c'est une forme de communisme. C'est une forme de communisme qui est taillée par des gauchistes à gauche de lui, enfin des gens plus à gauche que lui en disant que non, c'est une validation du capitalisme parce que vous gardez le marché des biens ou je sais pas quoi. Mais c'est une forme de communisme. Je reviens. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur lequel je suis d'accord, mais j'aimerais donner un autre éclairage. C'est sur la question travailler 32 heures, donc partager le temps de travail. Je pense que ton modèle, que le modèle que tu as présenté montre bien que les syndicats, à mon avis, font une erreur en allant là-dedans, parce qu'on reste simplement dans le modèle libéral, parce que le patronat a plein de marges de manœuvre encore pour augmenter la productivité. Par exemple, faire des produits aux gens de plus mauvaise qualité. Par exemple, ça s'est vu les 10 dernières années, ça va continuer. Donc, par contre, il faudrait peut-être, selon moi, faire la distinction entre travail utile pour la collectivité et travail parfaitement inutile. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que l'État subventionne le fait qu'on produise plus de voitures, par exemple. C'est parfaitement inutile. Par contre, des travaux utiles, quand vous allez regarder dans nos EHPAD, nos vieux, on n'arrive même pas, on n'a même pas le temps de leur donner à bouffer, ils ne sont pas lavés et tout. Tu as des milliers de postes de travail qui seraient urgents de faire. Il y a plein de travail. Et si ces travaux, qui sont utiles pour la collectivité, ben on mettait des gens dessus, et ben c'est pas 40 heures qu'on devrait travailler, hein, mais on devrait même travailler, je crois, un peu plus, et qu'on serait fier de travailler 40 heures par semaine pour effectivement faire quelque chose qui est utile à tout le monde. Donc je crois que les syndicats devraient prendre conscience que c'est un faux débat de dire partager le temps de travail, c'est pas ça qu'il faudrait partager, c'est qu'il faudrait de nouveau donner la priorité aux travaux utiles, utiles pour tout le monde. C'est assez fourni comme question, donc je vais faire une réponse avant pour pas oublier des trucs. Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est que tu fais la distinction entre travail utile et travail inutile. Par exemple, entre trader et s'occuper des enfants. Mais le problème, c'est que dans ce mode de production, tout ce qui a de la valeur, c'est ce qui a de la valeur marchande. Et j'ai pas l'impression, après faudra en débattre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une place pour le travail réellement utile comme tu l'entends et que je l'entende aujourd'hui dans ce mode de production. Parce que en plus, tu vois, tu vas dire d'accord, mais ça c'est plus le capitaliste qui s'en occupe, c'est nous avec des cotisations sociales et tout. Premièrement, pour financer ces travaux utiles et donc les rémunérations de ces travaux utiles, va falloir ponctionner sur la valeur capitaliste, baisser le taux de profit, blablabla, crise d'offre. Et deuxièmement, tu supprimes des opportunités de profit aux marchands. Si tu dis c'est pour ça qu'ils veulent supprimer la santé gratuite, l'éducation gratuite et tous ces trucs-là, c'est parce que c'est des opportunités de profit pour eux. Même si socialement ça coûte plus cher, parce que par exemple, non, t'as enlevé ma fiche de réponse. Ok. Socialement, il y a une étude de mon ancien directeur de thèse. J'ai pas fini ma thèse. Hein. Je suis pas thésard, je suis pas économiste. Pour répondre à la dame qui m'a dit ça, parce que j'en ai eu marre de la théorie néoclassique justement. Il fait un papier sur le coût de la santé dans un modèle américain et en France. Et il trouve que ça coûte moins cher pour une meilleure santé en France qu'aux États-Unis. Et il se pose la question pourquoi. Je lui ai dit simplement parce que il faut rémunérer les actionnaires et il faut une part de profit là-bas. Cette part, elle n'existe pas en France vu que c'est public. Donc en termes de valeur totale, ça coûte moins cher ici. Et il faisait ouais, mais c'est pas sûr, faut qu'on fasse des doubles différences et tout, enfin des termes économétriques. Ok, d'accord, bon courage, à plus tard. Enfin voilà. Donc même si socialement ça serait plus utile que ça soit public que privé, même si socialement faudrait mettre en avant les travaux utiles, contrairement aux travaux marchands, même si je suis totalement d'accord avec toi sur tout ça, c'est pas possible selon moi dans un mode de production capitaliste, parce que premièrement, faut ponctionner de la valeur pour financer ça, donc réduire le taux de profit, et deuxièmement, supprimer des opportunités de profit en démarchandisant des pans entiers de la société. Et ça, les capitalistes sont pas du tout prêts à l'entendre. Mais faut se battre pour ça. Mais bien sûr, c'est pas genre c'est nul à demain, tu vois, faut se battre pour ça. La baisse du temps de travail, je suis encore une fois totalement d'accord avec toi, parce que tout ce qu'on gagne dans ce mode de production, on le repaye d'une manière ou d'une autre. Parce que par exemple, ils vont nous faire plus de pression au travail pour augmenter la productivité, pour contrebalancer la hausse d'un salaire minimum ou la baisse du temps de travail. Il y a des tonnes d'études économétriques sur l'impact négatif sur la santé des travailleurs de la baisse du temps de travail. Parce que les gars, ils ont dit, d'accord, 35 heures avec vos délires gauchistes, mais c'est pas pour ça que tu vas pas faire la même chose qu'avant. Tu vas juste le faire en moins de temps. Et ça nous retombe sur la gueule à chaque fois tant qu'on remet en question le mode de production. Après, c'est facile d'avoir cette position, la position de G. Tu vois, il faut changer de mode de production et tout le reste, c'est de la merde. Ça peut être entendu comme ça. Et c'est pas ma position, mais ça peut être entendu comme ça et c'est assez facile comme position. Voilà. Alors, je te repose une question, si t'es d'accord. Les 35 heures, j'ai pas d'avis très arrêté là-dessus. J'ai vu plein d'études qui disaient que ça avait créé plein d'emplois. Les 35 heures avaient créé plein d'emplois. Si ça crée des emplois, tant mieux, j'en suis pas sûr, c'est assez décrié. Enfin bon, pourtant il y a des études qui vont dans ce sens-là, et sous l'ère Jospin, effectivement, il y a eu beaucoup d'emplois de créés. Bon, ok. Ça donne aussi une marge de manœuvre via les RTT. Hein, on travaille autant d'heures qu'avant, seulement quand il y a des trous, et ben on peut prendre, enfin on nous donne des réductions de temps de travail. On n'a pas besoin de nous à ce moment-là, on part se reposer. Ça n'a pas créé d'emploi à mon sens dans ce côté-là. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est te relancer un peu provocateur sur la première question que je t'avais posée tout à l'heure, sur les entreprises qui avaient été reprises par les salariés eux-mêmes et qui appartenaient à leurs salariés. Alors, tu as expliqué qu'ils s'auto-exploitent, que quelque part, il faut qu'ils aillent s'endetter auprès de banques, donc ils s'auto-exploitent. Et quelque part aussi, ils sont obligés d'investir pour faire face à la concurrence, donc ils s'auto-exploitent. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises qui leur font concurrence, qui elles sont gérées par des patrons, alors moi j'aime bien un patron, hein, j'aime bien les petits producteurs aussi, tu sais, et c'est là où je veux te provoquer, est-ce que le producteur, le patron, le petit patron s'exploite aussi quelque part, parce que le mec il fait pas 35 heures, il est obligé de s'endetter, il est obligé d'investir, je pense, je veux pas me faire taper dessus, mais bon, on peut penser à des petits agriculteurs, on peut penser à des petits gens, hein, je sais pas moi. Il y a plein de cas différents, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quelque part, est-ce que les petits patrons aussi qui payent, ils payent pas 3,5% au Luxembourg ou 3% en Hollande, ni 12,5% en Irlande, les gars, ils payent quand même 50, 40, 60% en impôts, en taxes diverses, ou en charges, c'est peut-être aussi des personnes exploitées quelque part. Juste, est-ce que tu veux bien qu'on prenne plusieurs questions, parce qu'il reste à peu près 10 minutes, et il y a encore 3 questions. Non ? C'est juste que ça se fait pas. J'ai répondu une à une pour chacun et puis là je vais prendre 3 questions et répondre à ce dont j'ai envie, c'est pas génial. Sur les 35 heures et la création d'emplois, il y a différentes études. Il y a des études néoclassiques qui disent que ça n'a pas créé d'emplois et si ça en est créé, c'est parce que ça a été accompagné de réductions de charges par la réforme Aubry. Donc en fait, ils ont augmenté le coût du travail d'un côté, mais ils l'ont baissé par des réductions de charges et donc là ça a un effet à peu près neutre. Il y a Michel Husson qui est un économiste qui dit par contre que lui ça a créé 400 à 450 000 ou 500 000 emplois. C'est possible étant donné que les travailleurs sont complémentaires. Tu vois le truc des gens qui font le ménage et des serveurs de tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, il me faudra toujours des travailleurs qui font le ménage et des trucs comme ça. Donc si je réduis le temps de travail, il faudra peut-être que je prenne quelqu'un pour assurer la tâche nécessaire quand même. Enfin, c'est possible. C'est très difficile de répondre à ça parce que, par exemple, sous Jospin, c'était une période de croissance énorme. Et comment tu différencies ? Après, je suis censé être économètre, tu vois. J'avais pas envie et j'étais nul et je faisais en sorte d'avoir 10 de moyenne, quoi. Mais je suis vraiment nul en économétrie. Mais c'est très difficile, à mon avis, de différencier ces différents effets. Réduction de charge, complémentarité des travailleurs, donc il en faut toujours. Et période de croissance et événements extérieurs, situation politique. Enfin, je sais pas comment ils font. Peut-être qu'Elodie pourra répondre mieux que moi là-dessus. C'est super compliqué. Donc, je sais pas. C'est possible. En tout cas, c'est possible. Mais ça n'arrête pas la question. Enfin, ça ne résout pas le problème de base. Sur les autogérés, les entrepreneurs indépendants, les gars qui n'ont pas de travailleurs, qui sont des indépendants, genre le petit producteur dont tu parlais. Oui, ce sont des travailleurs. Ah ben non. Est-ce qu'ils s'auto-exploitent ? Étant donné que l'exploitation est une catégorie qui a une définition propre, les indépendants ne s'auto-exploitent pas. Ça veut rien dire. Peut-être qu'ils galèrent pour assurer un salaire minimum, tu vois, même pour avoir le salaire minimum, mais tu peux pas dire qu'ils s'auto-exploitent. Tu peux dire qu'ils ne sont pas des gagnants du mode de production capitaliste non plus, parce que ils font face à des monopoles, ils font face à un système concurrentiel énorme, ils ont la pression des donneurs d'ordre qui leur foutent des conditions de travail encore pires que les travailleurs, et c'est toute la question de l'ubérisation ou des trucs comme ça. C'est que vous êtes, moi, par exemple, je suis salarié, je fais 10 heures par mois à peu près de la prise de notes dans des réunions marketing. Et il y a plein d'entreprises qui m'ont refusé parce que j'étais pas indépendant. Parce que ça associait des coûts du travail plus élevés, blablabla. Enfin, tu vois, genre. Et donc ce statut n'est pas gagnant non plus dans ce mode de production. J'ai aucun problème à le dire. Mais par contre, en termes économiques, ils ne s'auto-exploitent pas. Étant donné que c'est pas ça la définition de l'exploitation. Tu peux considérer qu'ils sont précaires et tout. Tu vois, genre en termes sur. Oui, sur les faits, tu peux. Si tu veux. Oui, ouais. Ouais, mais le truc de l'exploitation, c'est pas ça. Tu vois, genre, tu peux parler de précarisation, mais l'exploitation, c'est le fait de ne pas être payé la totalité de la valeur que t'apportes. Enfin, après, tu peux dire qu'ils sont exploités par l'État parce qu'il y a des impôts, mais après, ça complique le débat par rapport à la légitimité des impôts. Va falloir définir des trucs pendant. Enfin, c'est. Tu vois, j'ai du mal à répondre à ce truc-là. Après, j'ai noté sous prétexte. oui, sous prétexte que ces gars-là. Ils galèrent avec les charges d'État et justement là, t'as des gars de droite qui disent faut donner de l'oxygène aux entreprises, faut libéraliser le marché du travail, faut le fluidifier, blablabla. Ben ouais, mais le truc c'est que ces gars-là qui sont même pas des gagnants objectifs de ce mode de production servent de prétexte à des gars comme Gattaz pour justement augmenter le taux d'exploitation de tous les autres travailleurs. Donc moi, ces gars-là qui s'auto-exploitent selon toi, enfin dans tes termes, je leur dirais mais devenez communiste quoi. Vous avez aucun intérêt à défendre un mode de production dans lequel vous, en tant qu'indépendant, vous n'arrivez pas à survivre parce que vous êtes confronté à des monopoles, une concurrence déloyale, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des alliés objectifs pour moi, ces gens-là. C'est pas genre des méchants patrons. Je lance juste un appel. Est-ce que Annie, l'intervenante d'après, est arrivée? Parmi les économistes néoclassiques, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est notamment Friedman et Hayek, donc plutôt du côté anglo-saxon. Et dans leur approche de l'économie, je crois qu'ils ont une approche de l'État qui doit se limiter aux fonctions régaliennes, voire qui n'est pas du tout d'État, avec ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. Et donc sur ce point-là, justement, est-ce que tu penses que l'État-nation peut être un niveau de résistance suffisant, ou est-ce que tu penses que ça va se faire au niveau européen ? Et deuxième question, par rapport au salaire, on a parlé du salaire minimum. Et est-ce que tu penses qu'on peut aussi formuler une critique de l'économie néoclassique en lui reprochant d'avoir mis en place, sous la contrainte notamment syndicale, un salaire minimum, mais de ne pas avoir mis de salaire maximum ? Alors, je ne connaissais pas ce terme d'anarcho-capitalisme, que j'aime beaucoup parce que ça me permet de tailler mes potes anarchistes en leur disant que le vrai anarchiste, c'est le capitalisme. c'est eux qui veulent pas de règles. Ah non, faut pas de règles, faut fluidifier le marché. Enfin, mais ça se fait pas, tu vois. On a eu ce débat pendant 7 ans, tu vois, genre te laminer en deux phrases comme ça, ça se fait vraiment pas. Donc on en parlera plus tard. Hayek, c'est pas un anarcho-capitaliste, c'est un ordo-libéral, en termes précis. Friedman, c'est un néolibéral, ce qui est pas du tout la même chose. Par exemple, les néolibéraux veulent pas d'État, les ordo-libéraux veulent un État pour assurer la concurrence pure et parfaite. Tu vois, genre, il y a un côté positif de la négativité. Je suis désolé. Genre, ils veulent pas quelque chose, mais pour que ce pas quelque chose existe, il faut faire quelque chose. Donc, c'est le côté positif de la. Enfin, voilà. Sur l'État-nation comme possibilité ou la solution européenne, c'est un débat que j'ai pas tranché tout seul avec moi-même. C'est que, tu vois, tout à l'heure, je défendais l'Europe en disant que le seul moyen de contrer le dumping social, c'était de s'emparer de cet outil de régulation internationale, justement, pour contrer le dumping social et harmoniser, par exemple, les cotisations sociales à l'échelle européenne pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale. C'est le seul outil qu'on a pour le faire à l'échelle européenne. Maintenant, j'ai pas d'illusion sur la capacité politique à ce que ça arrive. Donc, si, par la lutte international qu'on essaie de mettre en place déjà au niveau de Nuit Debout, on a deux événements. Demain, je vous invite à la Bourse du Travail le 25 à 18h. Il y a une réunion avec des internationaux pour savoir ce qu'on fait à la rentrée de manière coordonnée. Il y a en octobre une réunion de Transnational Social Strike qui reprendra les copains de là-bas et essaiera de les amener à un meeting de grève internationale et voir comment on met en place une grève concrètement internationale. Parce que les capitalistes sont organisés à l'échelle internationale, il faut que les travailleurs s'organisent à l'échelle internationale. Donc si ça marche pas, je vais pas. Enfin, tu vois, c'est un peu la position de Lordon où je comprends parfaitement, tu vois, même si moi j'ai un plan A. Enfin, c'est. On va pas attendre l'alignement des planètes que des gauchistes gagnent les élections dans chacun des pays, sachant qu'elles sont pas à la même date, sachant que les dynamiques politiques sont pas les mêmes, sont pas coordonnées et tout, même si on essaie de les coordonner. Enfin, c'est très compliqué d'attendre ce moment génial, quoi. Enfin, où. En plus, on parle de socialistes qui prennent le pouvoir. Là, moi, dans mon optique, faudrait que ça soit des communistes qui prennent le pouvoir dans tous les pays européens. Ça va être très compliqué. Donc le retour à l'État-nation, j'y vois beaucoup de problèmes. Mais en termes de stratégie politique, c'est peut-être une solution la plus concrète possible et après reconstruire de l'international, même si ça paraît aussi impossible. En fait, on a le choix entre deux trucs pourris, en fait, et c'est assez difficile. Donc, j'ai pas de réponse sur État-nation ou Europe. Le salaire maximum, pareil. Je suis d'accord pour un salaire maximum, mais tu peux pas le faire dans un mode de production capitaliste. Parce que t'as beau mettre un salaire maximum. En plus, tu vois, genre, le salaire maximum, c'est empêcher des gars qui ont des bonnes conditions de travail d'être moins exploités. Parce que là, tu parles de salaire maximum et pas de revenu maximum. Donc là, tu t'attaques au salaire. Tu vas dire, bah, les gars qui sont employés et exploités, vous allez être au moins exploités à ce niveau parce qu'il faut financer les salaires des gars en dessous. Enfin, tu vois mon raisonnement à peu près. C'est que tu limites l'augmentation des salaires des gars qui auraient pu avoir des augmentations de salaire et donc baisser leur exploitation. Maintenant, je pense que tu voulais parler de revenu maximum. Et dans ce cas-là, c'est en termes de salaire et de capital, tu peux pas dépasser ça. En termes de revenu du travail et revenu du capital, tu peux pas dépasser ce truc-là. Le truc, c'est que d'accord, tu le fais en France, mais le gars, il peut avoir des comptes à l'étranger, donc ça pose la question du contrôle des capitaux aux frontières, donc ça pose la question de en Europe ou pas en Europe. Tu vois, genre ça soulève tellement de questions qui n'ont jamais été traitées par les gens qui proposent le revenu maximum. Que bah faudrait qu'on en parle d'abord pour savoir de quoi il parle, parce que là on sait pas, là ça a l'air d'être une bonne idée, mais le grand atout du capitalisme, c'est l'incitation à la production par plus je travaille plus je gagne, enfin tu vois, Sarkozy tout ça, enfin c'est pas vrai pour les travailleurs mais pour les gars qui ont un revenu du capital c'est peut-être un peu vrai. Plus ils investissent, plus ils gagnent. Si tu l'as idée, au bout d'un moment, t'as atteint les 6 000 euros, mec, tu fais plus rien. Qu'est-ce que tu fais de tout le capital de Bettencourt après 6 000 euros? Et il en reste pas mal. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? C'est une question qu'on doit se poser aussi. Donc voilà, par rapport au revenu maximum. Et voilà. Alors, ouais, de toute façon, on arrête après, parce que là, il nous reste deux questions déjà, et ça fait déjà une heure et demie qu'on y est, donc après, on arrête. Juste, je dis deux points techniques. On va faire passer la boîte à dons. Donc chez nous, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de salaire non plus. Vous inquiétez pas. Donc c'est juste pour le matériel. Voilà, acheter des feuilles, la sono, enfin voilà tout ça, tout ce qui nous reste à racheter. Donc du coup, une question, une réponse, une question, une réponse. Si tu peux essayer d'être un tout petit peu plus court dans tes réponses aussi, merci. Du coup, moi, je voulais revenir sur la loi de travail parce que bon, Nuit debout, c'est un peu, ça a un peu été créé par rapport à ça, quand même. Et moi, je comprends pas trop l'économie. Et de ce que tu dis depuis tout à l'heure, l'économie néoclassique a l'air de très bien fonctionner depuis pas mal de temps. Et du coup, pourquoi ils ont sorti cette loi et qu'est-ce que ça va leur apporter ? Voilà. Alors sur l'économie néoclassique, elle a l'air de plutôt pas mal fonctionner depuis pas mal de temps. Tu fais comme si les crises n'existaient pas en disant ça. Enfin, tu vois, genre, alors que les crises font partie, c'est la normalité du mode de production capitaliste et donc de l'économie néoclassique. C'est juste que pour eux, les économistes néoclassiques, les crises c'est des trucs exogènes qui ont rien à voir avec la dynamique du capitalisme. C'est juste, bah des fois on n'a pas de chance. Il y a des aigles, des trucs noirs, je sais pas comment on appelle ça, c'est des signes noirs. Il y a des signes noirs, on peut pas, ça arrive, des moutons noirs, ça arrive, bah les crises ça arrive, tu vois, c'est toute leur argumentation. Et c'est exogène, ça vient de dehors. Des fois ils disent c'est parce que l'État est intervenu. Et t'as une théorie là-dessus sur la crise des subprimes. C'est parce que l'État a voulu favoriser l'accès à l'immobilier pour les pauvres qu'on a eu la crise des subprimes. C'est bien pour ça qu'il faut rien faire pour les pauvres. Donc donc t'oublies un peu les crises en disant ça. Et en fait le truc c'est que dans la dynamique du capitalisme, j'ai essayé de l'aborder tout à l'heure, mais c'est on a de plus en plus de capital. Parce que tu regardes le PIB, il fait qu'augmenter, même si des fois il diminue un peu, en général il augmente. Donc t'as de plus en plus de capital. T'as de moins en moins d'emplois. Donc t'as moins en moins de travailleurs, enfin de moins en moins, ou t'as un stock constant d'emplois, d'employés et tout. Plus t'accumules de capital pour une même exploitation, en fait, tu baisses ton taux de profit. Le taux de profit baisse, diminue automatiquement. Et donc arrivé à un moment, t'arrives à un taux de profit où ça crée une crise, il n'y a pas assez d'investissement parce que le profit est trop faible, donc les gens vont pas investir. Et ben donc même si tout allait bien jusqu'à maintenant, entre guillemets, bah, t'as cette baisse du taux de profit qui fait que t'as des gars de droite qui arrivent, qui disent « Ah, ça va pas bien, les profits sont faibles en ce moment, il va falloir baisser vos salaires. » Et c'est ça. Et des gars de gauche, tu vois, genre le PS, pareil. C'est une crise en ce moment, la profitabilité est faible. C'est vrai, aujourd'hui, le profit est faible. Je parle pas des dividendes, qui n'est pas du profit, mais de la rente. Mais le profit est faible, donc l'investissement a du mal à redémarrer. Il faut baisser vos salaires. Mais tu vas baisser tes salaires maintenant. Dans 10 ans, ils vont te dire, bon, ben, on a accumulé plus de capital. Donc aujourd'hui, le profit est faible, faut baisser vos salaires. Et donc, tu n'en finis jamais. Ça n'arrête jamais. Tu vois, c'est comme le dumping. Tu baisses tes salaires, le copain fait pareil, bah, ah bah, je vais rebaisser mes salaires. Le copain fait pareil, bah, je vais rebaisser mes salaires. Enfin, tu vois, enfin voilà, j'ai répondu. Oui, donc, c'est normal que des gars de gauche qui disent, qui sont capitalistes, enfin, qui ont une logique libérale, qui te disent, ils arrivent, ah bah, les profits sont trop faibles, faut baisser les salaires. Enfin, c'est normal que la loi El Khomri arrive, même si tout allait bien, entre guillemets. Je redemande, est-ce que l'intervenante prévue pour après, pour nous parler de Nice, Annie, est arrivée? Si elle est arrivée, qu'elle... Non, je suis désolée, il y a une dernière question et après on arrête. Tu m'avais pas vu. Oui, moi j'ai une question par rapport au modèle économique sans monnaie. Est-ce que t'en connais? Parce que du coup, moi dernièrement, à Nuit Debout, j'ai commencé à m'intéresser aux monnaies libres et ce genre de choses. Et les... Et en gros, pas mal de personnes considèrent que les monnaies sont une transition vers des modèles sans monnaie, et en soi, ça pourrait être une manière de ne plus avoir ces inégalités de capitaux, et bref, voilà. Donc, très court, très court. En fait, on a parlé de international. Bon, avant de parler de l'international, lorsque tu parles de solution communiste, ça voudrait dire que si dans une ville, dans un pays, il y a des musulmans, des chrétiens et des judaïstes, donc si tout va, enfin judaïs, comment on dit, non, c'est pas une religion juive. Bon, ok, juste une religion, ok. Bon. Il me semblait que c'était le judaïsme, mais enfin bref. Et donc, en fait, est-ce que la solution viendrait d'un tel parce que celui-là est plus gentil. Voilà. Donc, c'est en fait dans la définition que tu as du communisme, dans la solution par le communisme, ça voudrait dire que le communisme sont plus gentils et sont plus honnêtes que les autres. Et donc, ça voudrait dire, par exemple, lorsqu'on parle de solution religieuse, telle religion est mieux que l'autre. Et donc, il faudrait que la solution vienne de cette religion. Ensuite, lorsqu'on parle d'internationalisme européen au niveau des peuples, c'est bien de demander à tous les peuples européens d'agir ensemble. Mais le Suédois, il va dire au Français, ouais, mais nous, on n'a pas tel pétrole, tel endroit. Le Français, il va dire à l'autre, ouais, mais nous, on n'a pas ça, machin. Ouais. En fait, les Allemands vont faire un autre reproche, ouais, mais nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que, vu que l'économie de chaque peuple est complètement différente, enfin, de chaque État européen est complètement différent, comment on peut, en tant que peuple européen, sans se mettre sur une base et remettre tout à zéro, réfléchir en tant qu'internationaliste, on va dire européen, pour régler les problèmes et les solutions, étant donné qu'on est tous, on est non égalitaire dans nos revenus d'État, on va dire, et de société, enfin d'entreprise, je veux dire. Je vais commencer sur les monnaies. Ok. Faut pas que ce que je dis soit mal interprété, parce qu'en économie, ça veut dire, enfin, pour les gens qui ont fait de l'économie, ce que je veux dire va être très mal interprété. Pour moi, la monnaie, c'est un outil neutre. Ok? Et là, t'as une division entre les néoclassiques et les keynésiens. Les néoclassiques disent c'est neutre, ça sert à rien les politiques monétaires. C'est pas ce que je veux dire. Il est neutre en fonction du mode de production. Et t'as les keynésiens qui disent c'est un outil de relance et c'est efficace. Pardon. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est neutre, ça dépend du mode de production. Par exemple, dans ce mode de production, la monnaie permet la concentration du capital. Je comprends. Mais c'est pas le problème de la monnaie. C'est le problème du mode de production qui est basé sur l'exploitation et donc la concentration du capital, la monopolisation, l'accumulation du capital par toujours les mêmes qui obtiennent des monopoles au bout d'un moment. Enfin, tu vois, genre, c'est pour moi, la monnaie est neutre en fonction du mode de production. Voilà. Donc des sociétés sans monnaie, si tu veux te trimballer avec 14 carottes et essayer de trouver quelqu'un qui a envie de carottes à ce moment-là donné pour échanger contre des pommes. Ah merde, le gars qui veut des carottes a pas de pommes. Enfin, tu vois, je veux bien, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, ça peut être un outil très utile dans un mode de production un peu moins inutile que le nôtre. enfin, voilà. Sur les communistes sont gentils. Alors, l'argument de Marx n'a jamais été moral. L'argument de Marx, c'est pas le communisme c'est mieux parce que c'est, y a pas de vol de plus-value et c'est pas gentil d'exploiter les gens. Ça a jamais été ça son argument. C'est en termes d'efficacité économique. C'est qu'il y a une contradiction dans ce mode de production qui est basé sur l'exploitation et ça crée des crises qu'on paye toujours. Toujours les mêmes les payent. Donc c'est surtout ça, c'est pas efficace économiquement. C'est donc c'est pas les communistes sont plus gentils. En plus, il a proposé d'exproprier les expropriateurs. Ça veut pas dire enlever l'argent des riches et mettre les pauvres à la place des riches dans le même système. L'expropriation des expropriateurs, c'est basé sur un raisonnement hegelien qui est la négation de la négation. C'est juste que tu supprimes la position d'expropriateur. Donc tu changes les structures pour que même le gars qui est un bâtard ne puisse pas être un bâtard. Donc c'est pour ça que c'est pas personnaliser les choses être communiste. C'est raisonner en termes de structure. C'est pas les gens qui sont méchants, c'est les structures qui rendent les gens méchants, si tu veux, pour parler vite. Mais c'est les structures qui obligent même les gentils à être méchants. Il y a un truc comme ça, c'est vu que t'as parlé de religion, c'est il n'y a que la religion pour faire des choses mal à quelqu'un qui est gentil à la base. Enfin, genre, il y a que le capitalisme pour faire des choses mal à quelqu'un qui est gentil à la base. Non, tu vas pas me répondre, cherche pas. Sur l'internationalisme, j'ai jamais dit que. En fait, c'est un débat qu'il y a, tu vois, genre, il y a des internationalistes qui disent faut retourner à la nation parce que l'internationalisme qu'on nous propose est un internationalisme du capital et que le seul moyen de retrouver un vrai internationalisme, c'est-à-dire l'amitié entre les peuples, c'est de retourner à la nation pour construire des accords bilatéraux qui ne soient pas basés sur l'exploitation. Donc il y a cette première position. Il y a d'autres internationalistes qui disent faut pas retourner à la nation, ça va favoriser les fachos. De toute façon, même notre sortie de l'euro de gauche n'est pas possible parce que ça va politiquement on n'existera pas. Et donc faut rester dans l'Europe. Donc il y a deux façons d'être internationaliste et donc j'ai toujours pas choisi la mienne. Donc voilà. Et sur l'indépendance, l'interdépendance des pays par rapport au, par exemple au pétrole que tout le monde n'a pas. Oui, enfin c'est l'internationalisme même en retour à la nation ne s'empêchera pas et sera obligé de construire des accords bilatéraux internationaux. C'est pas juste on va pouvoir se démerder sans pétrole les gars, salut à plus tard et l'Afrique on s'en fout ou l'Asie on s'en fout ou les États-Unis on s'en fout. Enfin, tu veux reparler après ? Ok, ouais, non, mais ouais, c'est pour ça que les gars qui disent faut rester à l'échelle européenne, faut d'abord résoudre nos problèmes à la maison en termes d'exploitation pour aller voir à l'extérieur et tout. Et donc c'est juste que je te disais que t'avais deux stratégies par rapport à ça, et moi je vois des avantages et beaucoup d'inconvénients à chacune, et ça se fera par la pratique, je pense. Je voudrais qu'on remercie Kevin parce qu'au départ c'était prévu 1 heure et je crois qu'il a fait 2 heures sous le soleil. Donc merci Kevin, merci à toi. Bon, on te doit une bière bien.